Et moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, on est en sage. Machette armée, les civils désarmés, génie mine des Français, c'est vaste qu'il faut remercier. Ceinture, ces quatre branchés, dans une foule déclenchée, j'explose des Français, c'est vaste qu'il faut remercier. Les musulmans s'élancent, s'explosent au stade de France, déclenchent l'état d'urgence, ça crie dans tous les sens. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur Démocratie participative. Épisode numéro 5. Et tout de suite, sans plus attendre, je vais présenter les intervenants et après quoi je vais vous donner le moyen de nous contacter. Alors, Laurent Grozon, comment vas-tu, Laurent ? Très bien, très bien. Comme d'habitude, pleine forme. Formidable. Derrick ? Ah, écoute, une forme munichoise. Hein. Ah, bah oui, tu fais l'actualité. Tu fais l'actualité, Derrick. Fulbert, depuis la Belgique, comment ça va ? Fulbert va toujours plus ou moins bien, merci, bonsoir à tous. Ça gasse, Fulbert ? Tu gasses ou tu gasses pas ? Bah, je dégasse un peu, mais enfin, c'est pas grave, ça passera. D'accord. Gérardus, comment vas-tu, Gérardus ? Bonsoir, bonsoir à tous, je vais bien, merci. Optman America, dit Captain America en anglais. Ça va, Captain ? Yavol, ça va vous tous ? Oh, ça va, on peut aller. Hein. MacDav, salut MacDav. Salut à tous. Poporo, comment ça va ? Shalom alaikum à tous, et puis je tiens à dire que je suis une brasserie munichoise. Nous sommes tous une brasserie munichoise aujourd'hui. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Alors, il y a aussi, ouais. aussi Gringoy qui va nous rejoindre, je le dis, hein, parce qu'il va... Il va s'incruster d'ici quelques minutes, donc il ne peut pas dire bonjour, mais il arrive. Ouais, Gringoy, bon, pour nos auditeurs, c'est Gringoy ou Astérix, hein, il a deux surnoms, c'est alternatif. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous contacter grâce à notre boîte email, et vous pouvez nous suggérer des sujets, nous poser des questions. Je vous la donne tout de suite, démocratie participative en un seul mot, sans accent à démocratie, démocratieparticipative, @mail.ru. Hein, démocratie participative en un seul mot, sans accent, @mail.ru. Nous avons aussi une page Facebook, donc vous pouvez nous contacter par la page Facebook et la partager avec vos amis. Faites-le parce que ça permet à tous nos contacts, à tous ceux qui aimeraient découvrir un petit peu ce qu'on fait, d'écouter, de partager, de prendre plaisir aussi, je présume. Enfin, j'ai tendance à le croire. Alors, toutes les semaines sont plus drôles les unes que les autres. On a toujours des développements surprenants et moins surprenants. Mais on va commencer par les États-Unis cette semaine et par la désignation de Donald Trump comme le candidat officiel du Parti républicain. Donc ça va être en gros, pour résumer, quoi, le candidat de droite pour les élections présidentielles américaines. Trump a fait une campagne... assez agressive sur des thèmes comme l'immigration, la sécurité, la lutte contre l'islam radical notamment, mais pas que bien sûr. Et il a aussi jeté le gant en direction de l'établissement politique et notamment d'Hillary Clinton. Alors, je pense que tout de suite pour commencer, on a Laurent Grozon qui veut nous en parler. On va pas s'étendre non plus hein, sur la campagne parce que on aura vraisemblablement beaucoup de choses à dire dans le futur, dans les prochains mois où vraiment la campagne présidentielle va se lancer. Mais tu voulais nous parler d'un sujet en particulier, Laurent. Je t'écoute et on t'écoute tous. Ah bah déjà quelques remarques générales par rapport à l'arrivée de Donald Trump à avoir cette investiture du Parti républicain. Bon déjà c'est qu'il y a énormément de presse hein, de médias occidentaux qui avaient déclaré dès le départ que c'était absolument impossible, impensable, etc. Bon, finalement, il l'a fait. Une deuxième chose, c'est que la convention, la Republican National Convention, donc la convention républicaine, a été le théâtre de beaucoup de choses assez rigolotes. La fin du mouvement, enfin, il y avait toute une catégorie de vieux droitards qui se rallient plus ou moins à l'establishment Clinton, qui avait un mouvement Never Trump. Ils avaient envie d'empêcher Trump d'accéder à cette investiture. Ça a foiré magistralement. Il y a le fait que Trump, depuis le début de sa campagne, a annoncé vouloir restaurer un petit peu le côté grande pompe, régalien de l'office du président des États-Unis. Et effectivement, on a pu voir, lors de son arrivée pour accepter l'investiture, hein, donc avec grand écran, voilà, effet de lumière, etc., etc., ramener ce côté un petit peu, voilà, enfin, on va dire que c'est bling bling, mais je trouve que ça en impose aussi, ça fonctionne pas mal, et c'est intéressant de voir le futur probablement président des États-Unis, enfin on verra, remettre ce genre d'artifice au goût du jour. Et puis il y a aussi une chose, c'est que les sondages qui sont faits dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui souvent jouent pour beaucoup dans la course à la présidentielle, l'élection générale américaine, donc pas les primaires. Les swing states sont de plus en plus en faveur de Donald Trump. Il a une légère avance dans, je crois, les trois principaux swing states. Donc, l'accession à la présidence de Donald Trump devient de plus en plus probable. Et avec ce qui se passe au niveau d'Hillary Clinton par rapport au FBI, etc., il faut savoir qu'ils l'ont disculpé, mais en même temps, il y a une enquête qui continue par rapport à la Clinton Foundation, et donc tout n'est pas terminé. Le chef du FBI, qui l'a disculpé techniquement et légalement, a quand même expliqué publiquement qu'elle avait commis de grandes incompétences, n'est-ce pas ? Donc ça ne va pas la favoriser. Et notamment, il a été montré publiquement qu'elle avait menti de façon assez éhontée. Donc ça ne va pas l'aider dans sa campagne présidentielle. Donc je pense que l'accession à la présidence de Trump devient de plus en plus probable, quoi. Ça, c'est certain. Oui, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers du système politique américain, qui est quand même très différent du système politique français, bien que ce soit un régime présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a un système de primaire. Bon, les gens comprennent en France, d'ailleurs un petit peu sous l'influence de ce qui se passe aux États-Unis, on s'est mis un petit peu aux primaires, que ce soit le Parti Socialiste en 2012 ou maintenant la droite, entre guillemets, en 2016. Il faut quand même comprendre que c'est une primaire ouverte. Donc Donald Trump, c'est pas du tout un politicien, c'est quelqu'un qui, en fait, est un milliardaire qui a réussi dans l'immobilier, entre autres, et qui s'est finalement un petit peu improvisé politique en 2016, en lançant sa candidature lors des primaires. Alors, pour donner un petit peu une idée à ceux qui nous écoutent, c'est un petit peu en fait comme s'il y avait un milliardaire français, quel qu'il soit, enfin il pourrait imaginer, je sais pas, Pinault ou je ne sais qui, avec des opinions populistes, on va dire, enfin anti-immigration ou anti-islam, se lancerait dans la primaire, j'allais dire, des Républicains en France, hein, et la remporterait. Et forcerait en fait le parti des Républicains à soutenir sa candidature, ce qui obligerait, et là les gens le comprennent, Juppé, Sarkozy, Fillon, Le Maire et compagnie, à soutenir une telle candidature. Et du coup, on verrait probablement un certain nombre de personnes au sein de ce parti se désolidariser, voire soutenir le candidat de gauche, quoi. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça permet un petit peu de resituer. Et effectivement, comme tu l'as dit, Clinton est empêtré dans les affaires de corruption extrêmement sérieuse, puisqu'on l'accuse, entre autres choses, puisque c'est quelqu'un qui a énormément de casseroles au cul, on l'accuse notamment, lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères américaines, en fait, d'avoir tout simplement monnayé son influence en tant que ministre auprès de puissances étrangères, auprès d'intérêts privés, etc., moyennant finance. Donc c'est quand même tout à fait colossal comme scandale. Et en fait, le FBI, qui est contrôlé par Obama et par les démocrates, en fait, l'a lavé vite fait, bien fait, tout en disant, bon, en gros, voilà, on me force à le faire, et bon, c'est pas de bon cœur, mais je le fais parce qu'on me demande de le faire, en gros, voilà. Donc, voilà pour résumer. Excuse-moi. Oui, vas-y, MacDav. Mais tu fais très bien de le rappeler, parce que moi, petit français, j'entends pas du tout le même son de cloche. C'est-à-dire qu'en France, Hillary Clinton est une brave femme, compétente, qui a eu le malheur d'utiliser son adresse mail personnelle pour envoyer des informations sensibles. Dans aucun média français, on te dit qu'elle est accusée de corruption, et de corruption massive. Oui, on s'arrête en fait à l'élément purement technique en disant, bon, elle a utilisé son email privé au lieu de l'email qui lui est fourni normalement par le ministère des Affaires étrangères et qui est sécurisé. Oui, mais pourquoi? Et c'est là tout l'enjeu, c'est pourquoi utiliser son email privé ou un système d'email privé volontairement quand on est ministre? C'est forcément qu'on a quelque chose à cacher vis-à-vis du gouvernement et qu'on ne peut pas laisser de traces. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, c'est pourquoi communiquer et sur quoi communiquer. Et pour ce qui concerne la présidentielle, et là nos auditeurs doivent le comprendre, non seulement des pirates, notamment un pirate roumain qui se fait appeler Gucci Fer, a trouvé la faille et a pu accéder aux emails de Clinton, mais très vraisemblablement... Ils ont été transmis à la Russie, je crois, hein. C'est ça ce qui s'est passé, non? Ben, en fait, probablement les a-t-il transmis, mais même de par leurs propres investigations, beaucoup de gouvernements étrangers ont probablement eu accès à ces emails privés qui étaient très peu sécurisés en vérité et ont pu tout savoir sur les tractations et les affaires de corruption auxquelles participe Clinton. Ce qui fait que si elle accède à la Maison Blanche, ce sera quelqu'un de, comme on appelle en anglais, compromised, elle est compromise, et donc on pourra la faire chanter. Donc le gouvernement chinois, le gouvernement russe et d'autres gouvernements pourront la faire chanter en disant, nous savons ça sur vous, donc sur telle ou telle affaire, vous avez intérêt à être plutôt coulant. Il faut savoir d'ailleurs que ça s'était passé déjà entre la Russie et Bill Clinton, ou le gouvernement russe ayant savait tout sur son affaire avec Monica Lewinsky, avait pu le faire chanter, hein, faut le savoir. Oui. Juste une petite digression, hein, parce qu'on parle un petit peu d'Hillary Clinton et de son mail qu'elle utilisait, donc son mail perso et pas le mail sécurisé du Département d'État. Nous en France, on a quand même je sais pas si c'est mieux, mais c'est quelque chose du même acabit avec Manuel Valls, hein, le Premier ministre, qui s'est rendu chez notre plus grand allié, hein, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, Israël, et qui, avant de rencontrer le Premier ministre, donc Benjamin Netanyahou, a été invité, voilà, à déposer son téléphone portable dans ainsi que tout son staff, hein, d'ailleurs, dans un endroit, hein, voilà, avant de rencontrer le Premier ministre. Et tout ça a été, disons qu'après il y a eu des soucis, hein, au niveau des téléphones dans les semaines après cet abandon de téléphone. On s'est rendu compte que les téléphones commençaient subitement à ne plus marcher, il y avait des comportements bizarres, donc voilà. C'est juste aberrant de savoir, enfin... niveau sécurité, c'est carrément, ouais, c'est de l'amateurisme au plus haut niveau. Ah, voilà. Quoi, ouais. Ça donne l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de par leur stupidité, de par la stupidité en chef de Manuel Valls, parce que les autres ont forcément copié l'attitude de Valls parce qu'ils n'avaient pas le choix, il a laissé un État étranger, en l'occurrence l'État d'Israël, accéder à toutes les informations que comportait son téléphone portable. Et ouais, son téléphone et ses conseillers. Que tu... Oui, voilà. Au niveau intelligence, c'est quelque chose. Bah autant dire qu'ils ont eu accès à peu près tout, quoi. Oui, voilà, ouais. Voilà, bon, voilà, on peut le dire. Pour revenir à Trump, alors, Laurent Grozon, hein, qui est le plus américain des Français ou le plus français des Américains, je ne sais pas, a des choses à nous dire. Un peu des deux, oui. Un petit peu des deux. A des choses à nous dire sur la mise en forme de cette nomination, qui est effectivement un grand show à l'américaine, hein, il n'y a pas d'équivalent, je pense, dans le monde. Avec une forme de scénarisation et l'intervention beaucoup de la famille de Trump. Ce que moi je respecte, hein, je veux dire, effectivement, on fait confiance à ses proches, c'est normal. Surtout qu'il n'a pas beaucoup d'amis quand même dans le Parti républicain, il a même plutôt beaucoup d'ennemis, pour pas même aller au-delà. Mais tu voulais dire quelque chose en particulier sur ce sujet-là. Oui, je voulais rebondir sur l'intervention de sa fille, mais c'est pour nous mener donc sur un autre sujet. C'est-à-dire que, en gros, sa fille a introduit le discours de son père en faisant un petit speech comme ça, en passant notamment sur le droit des femmes, le regard, parce que c'est une question sur laquelle Trump a beaucoup été critiqué par les médias, l'establishment de gauche, etc., sur quel était son rapport aux femmes, aux droits des femmes, aux droits à l'avortement, etc., etc., aux inégalités salariales, entre guillemets, hein, parce qu'il faut mettre des guillemets quand même, sachant que je crois que les dernières études aux États-Unis montrent qu'il y a plus de femmes qui accèdent à des diplômes maintenant en 2016 ou 2015, je crois que l'enquête a dû être faite en 2015. Donc il y a plus de femmes qui accèdent à des diplômes, à des qualifications, que des hommes. Donc les inégalités salariales, bon voilà. Hein. Mais bref, donc Ivanka Trump introduit son père, elle fait un discours où elle mentionne donc tous ces sujets, et elle explique entre autres que donc pour démontrer l'intérêt que porte son père aux problèmes relatifs aux droits des femmes, etc., que son père, en tant que président, changerait les lois du travail qui ont été mises en place à une époque où les femmes n'étaient pas une portion signifiante de la force de travail, et donc qu'il mettrait en jeu de l'argent public pour rendre les garderies, enfin toutes ces choses-là, plus faciles d'accès, voire salaire maternel, etc., etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment dans la droite racialiste blanche américaine, il y a des gens qui ont réagi comme ça en s'exclamant que c'était formidable, que ça allait aider notamment les femmes blanches à avoir plus d'enfants, parce que voilà, plus de sécurité pour devenir mère, etc., etc., etc. Et je trouvais, enfin bon, c'est un petit bémol qu'on peut apporter par rapport à la campagne de Trump, évidemment que ça n'éclipse pas vraiment, même pas du tout, les prises de position, notamment sur l'immigration, ou sur le travail et les impôts, par exemple, en général, les impôts sur les entrepreneurs. Mais c'est vrai que sur cette question, qui je pense a été un petit peu secondaire pour lui de son point de vue, surtout par rapport à la politique étrangère, etc., etc., on peut quand même remarquer que, en tout cas, c'est moi ce que j'en retire, c'est qu'à chaque fois qu'on a donné des aides sociales, qu'on a alloué de l'argent public aux femmes en général pour rétablir une égalité, une parité, etc., etc., c'est de l'argent public dont les femmes en général, alors évidemment il y a toujours des exceptions hein, avant qu'on nous accuse d'être d'affreux jojo, mais dont les femmes en général se servent pour augmenter leur indépendance vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de leur mari, et mathématiquement, logiquement, vis-à-vis de leur famille. Et en fait, ce sont des mesures, ce type de mesures particulièrement, qui en réalité ne font pas grand-chose pour aider les familles, c'est-à-dire que effectivement, ça peut permettre aux mères de mieux s'en sortir individuellement, mais souvent les femmes font le choix de remplacer le mari par l'État, tout simplement. Et alors évidemment, ça, c'est sans parler des conséquences que des mesures telles que celle-là pourraient avoir sur, par exemple, la natalité dans les communautés africaines, hein, parce que si on introduit un salaire maternel, par exemple, et qu'effectivement les femmes blanches se mettent à faire 3 ou 4 enfants au lieu d'un ou deux, je n'ose même pas penser ce que ça peut donner sur les mamas nègres, hein, n'est-ce pas ? Donc, voilà, c'est un sujet sur lequel, même donc chez les racialistes blancs américains, on rebondit comme ça en étant, voilà, on est content qu'on donne la possibilité aux femmes d'être plus facilement mères, alors que tout simplement, être mère en soi, est-ce que ce qu'on attend des femmes pour que la société fonctionne, c'est juste d'être mère et de faire des enfants? Est-ce que en soi, est-ce que ça suffit? Et je pense que les 10 dernières années, les 20 dernières années, où on a des exemples de familles brisées, recomposées, etc., avec des familles monoparentales, quoi, hein, où, certes, il y a des enfants, mais qui sont élevés un petit peu n'importe comment, et qui sont affectés par tout un tas de névroses, tout un tas de manques, etc. Est-ce que ça ne nous a pas, par hasard, démontré exactement le contraire ? Voilà. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Et on pourrait faire un parallèle avec, je pense, notamment des mesures qui ont été proposées par le Front National en France. Hein. Est-ce que quelqu'un veut en parler de ça, des mesures du Front National sur le sujet ? Bah, enfin, je crois que dans le programme de 2012, hein, effectivement, il y avait le... Ouais, je fais peut-être une erreur, mais il me semble qu'il y avait le salaire maternel. Hein. Donc là, je ne sais pas. Attends, c'est... alors le salaire maternel, qu'est-ce que ça veut dire le salaire maternel ? C'est-à-dire que je peux pas me voir peut-être pendant quelques mois en tout cas. Tu as quelque chose, voilà, une indemnité. Parce qu'il y a déjà les allocations familiales. Ouais, tu as les allocations familiales. Ça serait différent. C'est une allocation spécifiquement pour les mères qui choisissent, enfin, en tout cas dans le programme du Front National, c'est une allocation pour les femmes qui choisissent de rester au foyer dans les premières années, je pense, de la vie de l'enfant. Voilà. Alors j'ai une question. Bon, est-ce que c'est pas déjà ce qu'on appelle le congé parental ? Non, parce qu'il me semble que le congé parental, c'est vraiment pendant la toute petite enfance du bébé, non ? Là, j'imagine que l'idée d'un salaire maternel, c'était d'offrir une allocation aux femmes au foyer ou en gros jusqu'à ce que les gamins aient l'âge d'aller à l'école ou un truc comme ça, non ? Voilà, ouais, ça doit être ça. En fait. Enfin, en fait, c'est un congé, hein. Donc c'est pas considéré comme un salaire et c'est minimum 8 semaines, sachant que notre magnifique gouvernement socialiste n'a pas étendu, on va dire le congé de maternité, mais l'a restreint si jamais le papa ne prenait pas lui-même des congés, en fait, s'il ne devenait pas une maman. Bon, ben ça, c'est le Parti Socialiste Français. Donc l'idée, c'est quand même de... Oui, il y a une nuance, c'est-à-dire que l'idée, c'est de salarier une mère pour faire ce qui devient un travail de mère, ce qui devient considéré comme étant un travail de mère, éventuellement pour plusieurs années, tant que l'enfant est en bas âge, avant qu'il soit pris en charge par le système éducatif public. Ce qui n'avait pas lieu d'être il y a plusieurs décennies en arrière, lorsque le mari gagnait suffisamment d'argent pour que sa femme puisse rester à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants. Certainement, oui, non, c'est un fait, bien sûr. C'est un fait. Ouais. Alors, ce que Laurent Grozon pointe du doigt, parce que ça m'intéresse, moi, vous allez voir où je veux en venir, et vous pourrez en discuter aussi. C'est qu'en fait, ce qui gêne Laurent Grozon, c'est pas tellement qu'on encourage la natalité blanche, parce qu'effectivement, le monde blanc, et quand je dis le monde blanc, on va dire en gros, c'est tous les pays qui sont majoritairement peuplés d'Européens, donc c'est l'Amérique du Nord, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, Russie, effectivement frappé d'un hiver démographique. Bon, ça, c'est une constatation objective, ça fait pas l'objet de débat. Mais lui, ce qu'il dit, c'est la façon dont on est en train d'essayer de stimuler la natalité peut avoir des effets pervers, voire être contre-productif. Et là, je le rejoins totalement. Parce que, et là, c'est une critique qu'on peut adresser à tous les partis qui se veulent patriotiques, de droite, conservateurs, vous les appelez comme vous voulez, qui ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas des lunettes raciales. C'est vrai pour le Front National, c'est probablement vrai pour Donald Trump. Moi, je tape pas trop sur Donald Trump parce que c'est pas un politicien, il est pas dans le jeu, etc. Il fait ce qu'il peut. Mais au niveau du Front National, on fait semblant de pas voir et effectivement, on essaye de stimuler la natalité. La natalité française, quoi. En fait, de stimuler la natalité géographique de la France. Sans faire attention, sans, j'allais dire, faire la distinction entre les éventuelles populations qui peuvent en bénéficier. Et c'est là qu'on tombe dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que si tu donnes de l'argent à l'aveugle, d'abord, au niveau des femmes, tu sais pas ce qu'elles vont en faire, parce que tu sais pas s'ils vont pas justement, le dépenser dans quelque chose qui n'a rien à voir avec leur maternité, premièrement. Donc il faudrait peut-être voir à plutôt orienter ce genre d'aide pour en faire une aide Si, de bien en nature. tout simplement, on ne faisait pas d'aide de ce genre. Quoi. Qu'est-ce que c'est ces manières de recevoir de l'argent public, de droite, de gauche? Si, je pense que si. Je pense que si, bah, parce que c'est une façon de corriger, dans l'état actuel des choses, bah, de oui, corriger non, bon. Un autre déséquilibre qui est un déséquilibre migratoire. Donc oui, non, c'est, tout est relatif, oui. C'est-à-dire que à défaut de régler la question migratoire en l'état, c'est-à-dire en fait d'expulser tous les allogènes, tu peux éventuellement ralentir, sans régler le problème, ralentir le déséquilibre démographique en stimulant la natalité. Ça, je pense que c'est pas négatif en soi. Ceci étant dit, ça devrait probablement plutôt passer par, j'allais dire, des aides en nature. Donc ça peut être, je sais pas moi, une scolarité facilitée, je ne sais pas. Enfin, là, on pourrait imaginer beaucoup de choses, plutôt que de l'argent. Et deuxièmement, c'est à qui on le donne. Et ça rejoint ce que disait Laurent Grozon, c'est-à-dire plutôt que de donner à des femmes dont on, parce qu'ils sont peut-être des femmes seules. Parce qu'elles sont irresponsables, parce qu'elles ont fait des gamins à 20 ans, c'est pas pourquoi. De les donner à un chef de famille, au nom du foyer, en escomptant qu'il soit responsable dans ses investissements. Ça, c'est une piste de réflexion, hein, je veux dire, mais stimuler, à mon avis, hein, stimuler la démographie blanche est absolument crucial. Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Je peux intervenir, je pense qu'on va être tous d'accord sur le fait que les Blancs doivent faire plus d'enfants parce qu'on est en train de disparaître gentiment, même sans parler hein, de l'immigration massive. En revanche, il y a quand même le problème de la dysgénie. Quand je vois, par exemple, en France, ce qu'on va appeler vulgairement les cas sociaux, je ne parle même pas de la France d'en bas, je ne parle même pas de la France véritablement populaire qui limite... un culte ou vraiment ou même déraciné on va dire, mais je parle vraiment des gens qui sont à un niveau d'un point de vue génétique hein, qui sont véritablement en queue de peloton des populations européennes. Je pense que si on devait avoir dans le futur des politiques natalistes, elles devraient obligatoirement être couplées avec un système de discrimination positive envers ceux d'entre les Européens qui ont des qualités génétiques suffisantes pour faire avancer l'intégralité des populations vers le haut, en fait. Mais c'est hitlérien et eugéniste, ce que tu dis. Moi, je suis choqué. Non, ah non, mais c'est surtout obligatoire si tu commences à faire des politiques d'aide. Parce que... Ça peut toujours se faire intelligemment aussi. Hein. Il faut trouver des moyens détournés. Je sais pas, par rapport au... Bon, des trucs cons, genre par rapport au niveau d'études, des choses comme ça, c'est des trucs très cons, mais c'est déjà des... Ouais, ça, Gérard Duss, c'est très très con, parce qu'effectivement, le niveau d'études, ça ne présente, je veux dire, des gens qui ont des bons niveaux d'études et qui sont concrètement des gens c'est vrai. Imbéciles et finis à la bille et des saboteurs, c'est-à-dire tu as des gens, des artisans qui ont des CAP, qui sont bien qui ont une très bonne génétique, donc ils sont ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très éduqué et faire de la merde toute sa vie, hein. ça existe, c'est vrai. Il y en a à l'appel, il n'y a pas de problème, hein. Donc, bon, je pense qu'il va falloir prendre d'autres critères. Mais moi, je voudrais souligner juste une chose. C'est que, tout simplement, c'est cette manie comme ça de vouloir donner de l'indépendance. Alors, on parle de l'indépendance pour les femmes. Et en fait, pour que la natalité fonctionne et pour que le fait de faire des enfants fonctionne, il ne faut pas d'indépendance. C'est-à-dire que la cellule familiale, c'est une cellule où... l'homme et la femme sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent l'un de l'autre. Et quand on donne de l'indépendance à la femme, bah, tout naturellement, on réduit son attachement à la cellule familiale, on réduit son attachement à la famille, et on augmente sa fluidité, sa facilité à s'en détacher et à n'en avoir que foutre. Ça serait la même chose pour les hommes. C'est-à-dire que cette idée de rechercher... comme ça, l'indépendance, déjà, c'est une idée à la con, tu vois. Et que ça soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs, il y a une interdépendance naturelle qui doit exister pour que la cellule familiale fonctionne convenablement. Et donc, toutes les mesures qui tendent à augmenter l'indépendance de l'homme vis-à-vis de la femme ou inversement, ça part d'un constat mauvais. Voilà. C'est une très bonne réflexion. Moi, j'avais pas analysé ce truc-là sous cet angle, mais c'est vraiment une réflexion intéressante. C'est chez les Américains que t'as vu ça ou tu l'as fait toi, tu viens d'arriver, donc t'as raté le machin. Mais en fait, oui, c'est la fille de Donald Trump qui, en discours d'introduction au discours de son père, expliquer que son père allait s'occuper de créer des facilités pour les femmes, pour placer leurs enfants en maternité, éventuellement un salaire maternel, etc., etc. Donc on peut retrouver dans les propositions du Front National en France. Donc comme d'habitude, des sortes de... C'est des propositions, au fond, qui sont socialistes, c'est-à-dire qu'on va créer de l'argent qui tombe, qui est dû à certaines catégories de personnes, etc. Alors que pour que ça fonctionne le mieux du monde, c'est pas compliqué. Il faut pas augmenter l'indépendance, et surtout qu'on ne crée pas d'indépendance en créant une dépendance supplémentaire vis-à-vis de l'État. C'est un mensonge, tout simplement. Exactement. Mais il faut plutôt, si on voulait vraiment résoudre le problème, j'ose le dire, il faudrait tout simplement décourager le travail des femmes, ce qui naturellement réduirait le pool de travailleurs total, et les hommes pourraient mieux gagner leur vie et être plus à même de fournir des revenus décents pour leur famille, de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants, tout simplement. Ça n'est pas en mettant tout le monde sur le marché du travail, on met tout le monde en compétition, on fait baisser le niveau de revenus pour tout le monde, et bien évidemment ça ne fonctionne pas, et après on est obligé de faire passer des mesures à la con pour dire toi t'as un enfant, on va te filer un chèque, etc. Non, ça ne devrait pas marcher, Laurent, comme ça. On peut imaginer que ce projet d'indemniser les mères, combiné au féminisme, ça puisse déboucher sur 10-20 ans quasiment à un matriarcat généralisé, où en fait toutes les femmes seraient des mères, et les hommes ne seraient plus que des bites, quoi. Voilà. Mais exactement, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que si on ne détache pas, enfin si on garde cette idée de résoudre le problème de la natalité et qu'on le couple à l'idée de l'indépendance des femmes, ça aboutit d'une manière ou d'une autre à la fin de l'ex, parce qu'elle a déjà bien explosé la cellule familiale, mais là ça serait vraiment le coup de grâce, quoi. C'est-à-dire qu'on finirait de complètement détruire ce qui reste de d'interdépendance qui est naturelle et qui est souhaitable, d'interdépendance familiale, c'est-à-dire que les gens comptent les uns sur les autres, que chacun apporte quelque chose, et on finirait tout simplement de faire complètement exploser ça. Et effectivement, ça serait un système matriarcal où on est des mères, comme ça, avec des enfants élevés, pas vraiment par le père, il n'y aurait pas de père, alors ça serait peut-être comme chez les... Ça serait pire, mais pire qu'un système matriarcal, parce que dans une société matriarcale, c'est communautaire. Il y a l'oncle, il y a la famille, les hommes sont là, ils jouent un rôle qui n'est pas le même que chez nous, mais ils sont là. Ce qu'on aurait dans notre société... avec ce genre d'aide et du féminisme, c'est une flopée d'enfants sans père, élevés dans une structure familiale déficiente, et avec tout le cortège de problèmes mentaux qu'on peut imaginer. Ouais, et c'est en pire plus, que le matriarcat traditionnel. C'est la désintégration de l'individu, parce qu'on désintègre la famille qui le structure. C'est déjà ce qui se passe en Suède. Hein. Petite anecdote personnelle, j'ai un ami à moi qui, lorsqu'il était jeune, a rencontré une Suédoise ou une Norvégienne avec qui il a eu un enfant. Et il avait 19 ans et il était prêt à assumer son rôle de père, à aller vivre avec elle en Suède ou Norvège. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voyez-vous, la jeune fille, plutôt que de se mettre en couple et de commencer une vie de famille... à un âge relativement jeune par rapport aux standards modernes, elle s'est dit « Non, je suis dans un pays nordique, mon cul est privilégié, je suis une femme, j'ai droit, je suis « I am entitled », comme on dit en anglais, à des aides. » Et donc, elle lui a dit tout simplement « Non, tu rentres en France et je vais élever mon enfant toute seule et je vais avoir les aides et ça sera très bien comme ça. » Et elle est revenue vers lui juste le jour où les aides ont pris fin. C'est-à-dire que si ces aides-là n'avaient jamais pris fin, il y a fort à parier qu'elle ne serait jamais revenue vers lui. C'est très moche. Donc bonne réflexion de Laurent, et en plus il a précisé quelque chose d'autre, que ça va une fois de plus dans le sens de cette domestication générale que l'État est en train de mettre en place. Alors aux États-Unis peut-être que ce genre d'aide peuvent encore être discutées, parce que il y a peut-être pas autant de prélèvements qui sont faits sur les travailleurs, mais en France je crois que le socialisme là on en a assez fait. Maintenant, ça, on a bien compris idée, qu'il cherche. C'est une idée de la pensée magique communiste socialiste française. C'est-à-dire qu'on a... c'est quand même impressionnant quand on y pense. C'est-à-dire, ce sont des gens qui te disent, on va favoriser l'indépendance. Alors des femmes, ça pourrait être d'un autre groupe, hein. Mais on va favoriser l'indépendance en te faisant dépendre d'un versement de l'État. Yeah. Donc t'es indépendant, mais en fait, heureusement que t'as ton chèque qui tombe. Et le jour où le chèque il tombe plus parce que l'État a un problème, l'indépendance n'existe plus, tu vois. Donc bon, c'est du foutage de gueule complet. Mais oui, effectivement. Oui, mais alors du coup, dans le cas de la, enfin, parce que ça a été quand même prononcé par, parce que pourquoi la fille de Trump a dit ça, c'est parce qu'effectivement il y a une bataille. Avec Clinton qui est, qu'elle le veuille ou pas, elle le veut, elle le joue, elle le surjoue, ça fonctionne pas forcément très bien, mais qu'elle le veuille ou pas, de toute façon, dans l'imaginaire collectif, elle est forcément une figure féminine, face à un Donald Trump qui, lui, au contraire, surjoue le rôle phallique. Donc, cette confrontation existe, cette confrontation sexuée, en quelque sorte, existe. Et c'est un peu pour ça, je pense, que Trump fait monter au créneau sa fille, ce qui est bien vu, quoi, je veux dire, tactiquement. Oui, électoralement, c'est intelligent, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça le truc. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'on a dit, d'un point de vue, enfin, je veux dire, du point de vue du bon sens, effectivement, bah oui, ça ne souffre pas la moindre contestation, mais du point de vue de Clinton. Encourager les négresses, les latinos à pondre des chiards en série et de les aider à le faire, c'est logique. Je veux dire, c'est clair qu'elle va toucher un certain électorat et elle va faire des voix, quoi. Et du coup, faire monter au créneau sa fille sur ce sujet-là, quitte même à raconter de la merde, honnêtement, parce qu'on, je crois qu'on en a, on l'a bien démontré, malheureusement, il faut le faire. Malheureusement, il faut le faire, quitte même à raconter des bêtises. Et même, ça se trouve, Ivanka Trump et son père sont sincères. Ils sont de bonne foi, ça se trouve. Hein. Ils disent ça sincèrement en disant « Oui, c'est vrai que bon, faut faire un petit effort pour les familles, pour les femmes, etc. » Mais du côté de Clinton, je pense que... Parce que j'en suis absolument même convaincu. C'est-à-dire que du côté de Clinton, c'est du cynisme pur. Il n'y a aucune espèce d'empathie, je ne sais quoi, pour les clientèles ethniques qui sont visées, alors que en revanche, je pense que du côté de la famille Trump, il y a du cynisme vis-à-vis de Clinton, mais probablement une forme de naïveté vis-à-vis des applications concrètes de leurs propositions. Oui, je pense que c'est exact. Ouais. Il y a un côté candide comme ça, genre oui, on va aider à l'indépendance des femmes. Oui, bon, on peut pas leur demander d'être performants sur tout non plus. Hein. Non. C'est-à-dire que déjà, si ils restent sérieux sur l'immigration et sur les propositions vis-à-vis de la législation, les impôts, le travail, etc. Si déjà Trump et la politique étrangère. Si déjà Trump remplit ses promesses sur ces questions-là, ça sera déjà beaucoup, hein, je pense. Non, mais c'est déjà, s'il en fait 30% sur ses propositions, honnêtement, c'est déjà énorme. Compte tenu du climat, quoi. Il y a un autre truc sur lequel je veux rebondir peut-être, parce que j'ai un peu oublié. Il y avait vraiment un côté Judge Dredd, quoi, dans son discours d'acceptation de l'investiture. C'était, en gros... la loi, c'est moi, quoi. C'est-à-dire, je serai le président de la loi et de l'ordre. Et ça, c'est par rapport, évidemment, aux manifestations Black Lives Matter, aux policiers qui ont été assassinés. Et je sais que ça a choqué des gens. Hein. C'est-à-dire que Trump prend vraiment sur lui, endosse le costume du... il y a un nouveau shérif dans la ville, hein, there's a new sheriff in town. Et c'est moi. Donc, je voulais juste passer là-dessus en vitesse parce que c'est quelque chose qui a marqué les gens pour ceux qui ont suivi un petit peu cette histoire. Les gauchistes, comment ça, tu veux dire, ils disent... Ah, ils se chient dessus. Ils se chient dessus. Il faut le voir. Je crois que j'ai vu... C'est magnifique. Michael Moore, là, ce gros tas de graisse gauchiste américain qui prévoit la victoire de Donald Trump. Pour une fois, pas des conneries. Là, pour une fois, Il semble aussi que le journal Salon aussi. C'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que les gauchistes américains commencent à passer vraiment en mode défaitiste, quoi. Il y en a beaucoup de leur public, en tout cas, je ne sais pas parmi les élites, mais beaucoup de leur public, auxquels ils ont fait croire que l'accession de Trump à l'investiture était impossible. Donc quand ça arrive, tout d'un coup, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire ces gens, c'est « Ah non, on est foutus !» Parce qu'ils pensaient, ils savaient que Trump allait être un performeur, quoi. C'est quelqu'un qui allait avoir des résultats. Et ils pensaient le bloquer, tout simplement, par des jeux de parties, des stratagèmes qui n'allaient pas avoir accès à l'investiture. Et maintenant que ça s'est fait, il y a des gens qui paniquent réellement, hein, ça se sent. J'ai envie de, avant de passer aux autres sujets, j'ai envie de faire un petit arrêt sur un truc qui m'a paru parlant, mais peut-être que je me gourre. Hein. C'est sur la déclaration de David Duke d'être candidat au Sénat des États-Unis. Alors, Je résume très rapidement. David Duke est un ce qu'on appelle un white suprémaciste. Bon, on peut pas vraiment traduire en français. Suprémaciste blanc, ça veut pas trop dire grand-chose. En fait, c'est simplement, on va dire, un patriote euro-américain qui défend les intérêts des peuples d'origine européenne aux États-Unis, qui est connu pour avoir pratiquement réussi à être nommé gouverneur des États-Unis dans les années 90, en fait, en Louisiane. Et très récemment, pour ceux qui ont suivi, il y a eu, notamment hein, sur ces histoires de violence avec les Black Lives Matter, etc., entre Dallas et Baton Rouge qui est en Louisiane, assassinat de policiers sur ordre de groupes radicaux noirs, eh bien, on a un candidat, David Duke, très connu, notamment sur la toile, qui est connu en fait dans le monde européen en son entier. Quand je dis européen, il faut bien comprendre le monde blanc, hein, tous les pays qui sont de peuplement européen. Très connu, mais il veut faire un comeback, et il veut faire un comeback qui marche. Alors, on pourrait se dire que, et d'ailleurs les commentateurs ont pu se dire que c'est pas crédible, sauf que on a eu un Trump qui, au niveau des États-Unis, avait été donné, comme tu l'as dit, perdant, et que en Louisiane, quelqu'un comme David Duke, c'est pas un amateur, c'est quelqu'un qui est là depuis un long moment, qui a ses connexions, il y a un climat, il y a une tendance, une dynamique. Est-ce que en 2018, enfin, je crois que c'est 2018, mais peut-être lui en 2017, je ne sais pas, parce qu'après, il faut regarder par état, mais est-ce qu'on n'a pas un candidat au Sénat pour la Louisiane, nationaliste blanc, qui pourrait créer la surprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Les gauchias sont déjà, pareil, en train de se faire dans la culotte, parce qu'effectivement, ils constatent que Duke est très connu internationalement, notamment grâce au fait qu'il a fait beaucoup de vidéos en anglais qui ont été traduites sur tout un tas de problèmes qui relèvent de politique étrangère, etc. Bon, il a beaucoup parlé du lobby juif, évidemment. Mais David Duke a été traduit dans énormément de langues. Il a un livre, pour ceux que ça intéresse, qui est intéressant, qui détaille son parcours. C'est un peu une autobiographie, son parcours, ce qui lui a plu. Parce qu'au départ, David Duke n'est pas un racialiste ou quoi. C'est quelqu'un qui part à la base, qui avait des idées gauchistes, David Duke. Et qui a progressivement muté, et qui explique ça dans son bouquin My Awakening, hein, pour ceux que ça intéresse, il le donne en audiobook gratuitement sur son site. Et donc effectivement, sa candidature au Sénat, pour les élections sénatoriales, fait peur, parce qu'en face de lui, il y a soit ce qu'on appelle des incumbents, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà des élus, qui étaient déjà là et qui ont déjà été élus, qui ont des casseroles au cul, enfin quelque chose d'absolument abominable. Et à part eux, des gens qui n'ont absolument aucune... que personne ne connaît, quoi, des gens inconnus au bataillon. Et donc, lui, il arrive là-dessus, entre les corrompus et les gens inconnus, et il arrive avec son branding, quoi, sa marque. C'est-à-dire que les gens connaissent David Duke. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'il fasse un score très correct. Alors après, on va voir comment il va orienter sa campagne, mais en tout cas, ça a l'air d'être sérieux. Et c'est vrai que David Duke, on peut lui faire beaucoup de critiques, notamment sur... il y a des gens qui... Voilà, chirurgie esthétique, notamment, c'est des critiques un petit peu, voilà. Mais sa façon de s'exprimer et de défendre ses idées, C'est quelqu'un qui est bien rodé, qui sait se défendre, qui sait expliquer, qui sait se défendre face à la gauchiasse. Et c'est pas du tout un adversaire à sous-estimer pour l'establishment, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très voilà, qui vraiment sait se défendre au niveau, j'ai envie de dire, du logos, hein, pour reprendre. Bah pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent d'ailleurs taper. Elle est très connue. Toi, tu la connais, la vidéo. Ça doit sûrement être sa dernière grosse intervention dans les médias mainstream américains, mais où il répond à un sioniste de premier ordre, là, Baker ou je sais plus quoi, enfin, et puis ils se prennent le chou en direct sur une grosse télé américaine. Oui, enfin, là on voit toute la répartie de David Duke, le calme et tout, il est vraiment très très fort. C'est quelqu'un oui, de... Non, tu parles d'Alex Jones là peut-être. Non, je parle de David Duke. Non, Alex Jones est fort aussi, mais... Non, attends, parce qu'à un moment donné, il y a eu justement, c'était c'est pas très vieux, où tu as justement... Alex Jones, bon, qui anime une émission de radio qui est connue, qui est considéré comme un conspirationniste, enfin en tout cas quelqu'un qui essaye un petit peu de voir tout ce qui se passe derrière le rideau et qui est accusé à ce titre de paranoïa, où il interroge David Duke, parce que David Duke est considéré comme aussi le père du conspirationnisme juif. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse David Duke de dire en gros, voilà, les juifs sont responsables de tout. Il intervient face à Alex Jones, qui lui récuse totalement cette lecture des choses. Et comme les deux sont très connus, cette intervention a fait beaucoup parler. Et je me demandais si cette intervention en question, c'était pas celle dont tu parlais. Ah non, je la connais même pas. Alors tu vois, je vais filer suite à l'émission l'écouter tout de suite, parce que ça m'intéresse. Non, là moi je vais vous la retrouver. Enfin, je le dirai pour les auditeurs qui connaissent pas et pour ceux d'entre vous qui connaissent pas. Vous verrez que c'est un tout bon, quoi. C'est ce que disait Laurent, c'est-à-dire qu'il se défend vraiment vraiment bien, quoi. Et ça m'étonne pas qu'il leur fasse peur. D'ailleurs, ils avaient tenté, hein, au niveau des médias américains, je suppose, mais c'était, il y a eu même un écho jusqu'en France, hein, iTélé, BFM TV, alors peut-être même France 2, je crois, lors de la campagne, hein, républicaine pour l'investiture, voilà, de dire voilà, que David Duke, ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, soutenait Donald Trump, mais bon, bizarrement, ça n'a pas fait son effet, quoi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu l'effet escompté de faire partir les électeurs républicains ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils commencent à avoir peur, hein, je pense. Ils ont relancé d'ailleurs, hein, cette campagne d'intimidation un petit peu des électeurs de droite américaine, la gauchiasse. Suite à l'annonce de David Duke de sa candidature au Sénat, ils ont relancé, donc il y a une vidéo qui a été faite pour mettre en parallèle le discours de David Duke et le discours de Donald Trump, l'un inspiré par l'autre, etc. Est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un qui s'inspire d'un racialiste, d'un suprémaciste blanc, etc., à la présidence? Alors, on va voir ce que ça va donner. Oui, voilà. Est-ce qu'ils vont pas regretter d'avoir posé la question? Oui, c'est oui, voilà. Mais c'est-à-dire là, on a nos amis du Daily Stormer avec Andrew Anglin, qui est un site internet américain pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui d'ailleurs se sont engagés à soutenir massivement Duke dans sa campagne, ce dont personnellement je me félicite. Mais c'est ce qu'il a pointé du doigt à Anglin, c'est-à-dire qu'il a dit c'est comme avec Trump, en modèle réduit, c'est-à-dire au niveau de la Louisiane, mais avec un écho quand même au niveau des États-Unis, même au-delà. C'est est-ce que en sortant la grosse Bertha de la propagande, attention, voilà, bah, est-ce qu'en fait on va pas le faire élire, quoi? C'est-à-dire que plus on va taper dessus, plus on va dire bah si les médias tapent dessus, c'est qu'en fait le mec est un brave type et il faut vraiment voter pour ce mec-là. Et c'est une question. Moi je pense que c'est vrai que c'est la question se pose, quoi. À mon avis, je suis pas certain qu'en diabolisant à l'extrême, le système s'en sorte comme il pouvait parfaitement s'en sortir il y a encore quelques années, où ça fonctionnait extrêmement bien, quoi. Ouais, avant c'était systématique. Mais... Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait vu un Trump là où il est, avec la campagne, le temps qu'il a donné dans la campagne. Mais il faut dire un truc. Est-ce qu'il va y avoir des Grégor après? Je ne sais pas, mais c'est, ça pourrait être le cas. En tout cas, David Duke a pointé du doigt un truc qui est vrai, c'est-à-dire qu'il a dit « Tous les thèmes qui sont utilisés par Donald Trump, essentiellement « America first », c'est-à-dire « l'Amérique d'abord », « immigration », etc., « fin des guerres, des ingérences à l'étranger pour on ne sait pas quoi », sont des thèmes que j'ai portés dans les années 90, ce qui est vrai. Et c'est quelqu'un qui a une vraie légitimité, c'est qu'il peut dire « mais ce qui marche avec Donald Trump aujourd'hui, et il le fait, c'est ce qu'il dit », moi je l'ai dit depuis 25 ans. Donc si vous faites confiance à Donald Trump sur ces thèmes-là, pourquoi ne me feriez-vous pas confiance, moi qui les ai soutenus à un moment où c'était extrêmement impopulaire? Et c'est là que on peut voir derrière les commentateurs, et tu l'as bien dit Laurent Grozon, commencer à vraiment paniquer, parce que David Duke, c'est pas n'importe qui. C'est quand même, on peut dire, grosso modo, au niveau de, on va dire, la droite blanche occidentale, c'est un petit peu quand même un des meneurs, enfin, sans même qu'on s'y retrouve, je veux dire, même sans qu'on soit un supporter ou personnellement, je veux dire, mais de facto, c'est une des figures de proue. Je comprends qu'il s'inquiète beaucoup. Je comprends. Effectivement, moi je sais que peut-être Fulbert, tu connais bien David Duke. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de candidature pour le Sénat? Ouais, ben écoute, c'est un personnage, hein, le type, il a tout un historique derrière lui, mais vous l'avez dit. Bon, personnellement, pour les événements récents, je dois dire que je suis un petit peu... je n'ai plus de contact de ce côté-là, ce qui fait par personne interposée, naturellement, ce qui fait que je suis pas trop au courant, j'en suis au même niveau que vous, les observateurs. D'accord, bah en tout cas... j'ai une question à poser. Ouais. Est-ce que David Duke n'était pas déjà élu gouverneur dans les années 80? En fait, moi, il me semble que c'est justement un des rares suprémacistes blancs aux États-Unis. Représentant. Il était à la Chambre des représentants. C'était un député à la Chambre des représentants de Louisiane, mais ça n'était pas un sénateur. Donc c'est là, c'est un CIE, il vise le niveau au-dessus. Voilà. D'accord, mais ça fait quand même partie des rares mecs suprémacistes blancs avoués aux USA à avoir quand même eu des responsabilités officielles au sein de la structure, quoi. Ah oui, certainement. Oui, il faut expliquer pour les gens, parce qu'il faut être familier un peu de la structure constitutionnelle américaine. Bon, les États aux États-Unis, enfin, les États-Unis sont constitués fédéralement. Donc, les États ont quand même une autonomie. La Louisiane est un État autonome, relativement, pour les affaires intérieures notamment, et donc il a été élu au sein de la Chambre, ou disons au sein de l'Assemblée parlementaire de l'État de Louisiane. Ce que maintenant il vise, c'est le Sénat, qui est en fait la Chambre des États. Et il y a un nombre fixe par État de sénateurs, qui est assez restreint d'ailleurs, et qui a la charge de représenter les intérêts des États en tant que tels. À côté de ça, il y a un contrepoids démographique. Là, c'est la Chambre des représentants, ce qui est chez nous les députés, en quelque sorte, où là, en fait, c'est au prorata du nombre d'habitants, en fait. Et là, il y a un autre redécoupage électoral. Donc lui, il vise le Sénat, et qui est une chambre plus restreinte, mais qui est très influente, parce que vous allez défendre votre État, en fait, vis-à-vis de l'État fédéral, donc des États-Unis, enfin du gouvernement central, quoi. Et le problème, c'est que si quelqu'un comme Duke rentre là-dedans, il va avoir accès à des sujets extrêmement sensibles. Défense nationale, diplomatie, etc. Et c'est quelqu'un qui, de facto, aura une audience internationale. Parce qu'évidemment, quand on est sénateur aux États-Unis, quand on s'appelle David Duke, on a juste un petit peu, globalement, accès au monde occidental en son entier, et même bien au-delà. Surtout quand on est, par exemple, je sais pas, quand on est bienveillant à l'égard de certains États pour des raisons diverses et variées. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut créer de gros problèmes à un certain nombre de personnes, quoi. C'est pas du tout une petite affaire, ça. Donc je voulais le soulever. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Mais on va suivre ça de près. Je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises. Après, est-ce qu'il sera élu? Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui nous intéresse dans cette en quelque oui, sorte bougeons un peu des États-Unis là. Oui, bougeons un peu des États-Unis là. Alors là, attaque en série, c'est un petit peu navrant, mais il faut quand même le souligner. Alors Premièrement, un Afghan attaque veux... à la... Attends, tu veux dire Boukak en série, c'est ça? Oui, Boukak attaque, ça rime bien. Ouais. Boukak attaque en série, Boukak attaque en série. Alors, partout. On va pas s'attarder dans le détail de chaque attaque, bien sûr, mais la semaine a commencé, je crois, peu après Nice, d'ailleurs, avec bon un Afghan se revendiquant de l'État islamique, se filmant, attaquant à la hache plus d'une vingtaine de personnes dans des transports en commun, qui étaient d'ailleurs des touristes venant d'Asie, hein, ces derniers, et avec il n'y a pas eu de mort, je crois pas, mais enfin il y a eu des blessés très graves. Et dans la foulée, on a eu une attaque au couteau dans les Hautes-Alpes. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire-là? Oui, c'est Mohamed n'a pas apprécié que jeune fille, voilà, se... Ouais, alors je résume les faits pour ceux qui seraient pas forcément au courant. Donc ça se passe dans les Hautes-Alpes, c'est dans un une espèce de camping, hein, je pense qu'on oui, village de vacances, je crois, enfin bon, un endroit où il est normal de se balader en maillot de bain, enfin c'est ça choque personne voilà. Normalement. Voilà, là ça va, oui, ça va faire effectivement. Donc le matin vers 10h30, je relate les faits, hein, un Marocain de 37 ans lacère à coups de couteau une mère de famille de 46 ans et ses trois filles âgées de 8 à 14 ans. Motif évoqué d'après un témoin, la tenue vestimentaire des personnes qui aurait été, selon notre ami musulman marocain, trop légère. Et donc il se serait mis en fait à essayer de les assassiner à coups de couteau, ce qui se serait très mal terminé évidemment pour les victimes, les personnes ciblées. Et alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais d'abord, ce sur quoi je veux mettre la focale, c'est la façon dont les autorités constituées, préfet, procureur de la République, y a un général de gendarmerie, je crois, et un colonel de gendarmerie, qui ont expliqué en gros qu'il n'y avait aucune motivation à caractère religieux. Aucune motivation, et ils cherchaient, d'après leur dire, ils cherchaient à définir quelles pouvaient être les raisons qui auraient pu pousser cette personne à commettre cet acte. Est-ce que vous avez suivi ça en direct? Moi, je l'ai suivi en direct. Hein. J'ai suivi ça dans la presse. Je trouvais ça fascinant, la réaction des pouvoirs publics. Hein. Ouais, bah, je crois que c'est le procureur là qui a quand même sorti une pépite, hein, comme quoi ça n'avait rien à voir avec le terrorisme islamique ou quoi que ce soit. Et pendant qu'il a interrogé, l'autre lui gueulait dessus à la Wakba. Donc c'est très comique. C'est vraiment comique. C'est la deuxième. Ah, oui. Alors je vais citer la presse parce que j'ai ça sous la main. Je vous cite l'extrait de l'article que j'ai eu. L'homme suspecté d'être l'agresseur d'une mère et de ses trois filles dans un village de vacances des Hautes-Alpes s'est emporté lors de sa garde à vue. Donc il a été arrêté. Suite à l'agression, on l'envoie au poste et on lui pose des questions, quoi. Et là, il s'emporte. Et il dit, alors, c'est le procureur de la République qui le cite, Raphaël Ballan, c'est le nom du procureur. Il a refusé qu'on lui prenne ses empreintes et a alors crié à trois reprises « Allah Akbar ». Mais je répète que pour le moment, les perquisitions et premières exploitations des documents et objets saisis n'ont mis en évidence aucun phénomène de particulière radicalisation de type islamiste, ni aucun élément permettant d'affirmer que son acte était en rapport avec les événements terroristes qui ont ensanglanté notre territoire ces derniers mois. Donc en fait, c'est fabuleux. On a quelqu'un qui déboule le matin face à une mère et ses trois filles, qui leur reproche leur tenue vestimentaire et les poignarde à mort, enfin essayant de les poignarder à mort. Il est interpellé. Pendant sa garde à vue, il essaye en fait de s'en prendre aux policiers présents en criant à la Akbar, et on a le procureur qui avait déjà dans un premier temps nié le caractère religieux ou islamiste du problème, qui revient encore derrière après l'agression en nous disant « Oui, effectivement, il nous a agressé en criant à la Akbar, mais il n'y a aucun rapport avec la religion. » Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, un truc pareil? Bah qu'on se fout ouvertement de notre gueule. Oui, là, il y a des ordres. Hein. Le mec, moi, je ne vois pas dire ça comme ça. Il est quand même procureur. Il doit avoir fait des études. Ouais, il a quand même... C'est 1 égale 2, il doit arriver à... ça doit arriver à marcher. Donc, bon, à moins qu'il soit vraiment lui-même, hein, politiquement, à l'extrême gauche, bon, ça me paraît quand même peu probable. Surtout que bon, là on parle des Alpes, mais là c'était quand? C'était hier, hein, dans la nuit, je sais plus, là, l'Allemand là, qui est allé faire un petit carton hein, dans un centre commercial à Munich. Oui. Hein, donc là, la police munichoise, donc c'est un Iranien, hein, entendu, germano-iranien. C'est pas un Allemand, c'est pas un Allemand. C'est oui, pas un voilà, Allemand, c'est un... Oui, oui, voilà, c'est quelque chose qui nous vient encore du Moyen-Orient. Hein, où, voilà. Cette fois-ci, c'est pas le Maghreb, c'est du Moyen-Orient. Bon, ça change un petit peu, ça diversifie. Et la police munichoise, non, il n'y a rien à voir, aucun signe de terrorisme islamique. Par contre, on a on est quasiment certain que ça a un rapport avec la tuerie d'Anders Breivik. Alors, c'est... Allez-y comprendre quelque chose. Donc, vraiment, juste, il y a juste une concordance des dates. Quoi. Mais voilà, donc, non, c'est un Arabe qui fait un carton en Allemagne. Enfin, un Arabe, excusez-moi, hein, un Iranien. Un Perse, oui. Enfin, voilà, une espèce de soyons précis. Hein. Plusieurs races de bougnoules. Oui, voilà, il faut savoir de quoi on parle. Boukakologie. Un plus ou moins Perse fait un carnage en Allemagne dans un centre commercial. Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est dû à Anders Breivik et donc au nationalisme blanc. Voilà, c'est. Donc maintenant, quand les bougnoules tuent à l'aveugle, c'est à cause des nazis quand même. Quoi. Ah oui, oui. Ah, bah, disons que le système est cohérent, c'est-à-dire ils sont fidèles à leur narration. Officiellement, on a un problème de terrorisme, on n'a pas un problème de bougnoules. Hein, d'après le système, c'est un problème de terrorisme. Alors effectivement. Le mec poignarde la mère et ses trois gamines. Comme il n'est pas directement relié à Daesh, bah finalement, on dit que voilà, ça n'a pas de rapport. Et à l'inverse, on va vous trouver des rapports absolument farfelus avec Anders Breivik, parce que, bon, voilà, il faut bien dire aussi que c'est un peu la faute de l'extrême droite. Ouais. Par contre, ce qui est très intéressant là, sur ce qui s'est passé à Munich, c'est qu'il semblerait que ce soit, en fait, une sorte de jeune homme en crise d'identité, en fait. Et là, par contre... Ça peut permettre également de mettre le doigt sur une question cruciale qui est simplement la propension des sociétés multiculturelles à créer des personnes mentalement instables avec des crises, des problèmes d'identité graves aboutir dans des choses pareilles. C'est alors... ça, ouais. C'est ce qu'ils disent, effectivement. Le petit bout de chou, il aurait eu de la dépression. Excusez-moi, mais si vous êtes un peu informé sur la psychiatrie et la psychologie, c'est pas la réaction d'un mec dépressif à les tirer sur la population. Faut arrêter avec ça. C'est pas des problèmes de déséquilibre ou de dépression. C'est un problème qu'on a affaire à des populations qui racialement sont des dingos, je veux dire, voilà, et que ce sont des fous dangereux qui pètent un cap pour un rien. Ouais, une fois pas, encore, le problème est racial. J'avais un ami une fois, il était un peu triste, il s'est dit je vais aller cartonner des gamins, voilà quoi, normal hein. En camion. Voilà. Bien sûr la réaction dépressive type. À noter d'ailleurs pour montrer qu'il y a une grande différence entre ce type-là et Breivik, c'est que Breivik volontairement s'est rendu à la police vivant, c'est très important, alors que lui c'est ne s'est même pas fait tuer par la police, il s'est tiré lui-même une balle. Donc on peut pas vraiment dire que c'est quelconque analogie entre Breivik et ce type. Non mais ça c'est un fait. Moi je pense effectivement que le type n'est pas l'islamiste typique. Par contre c'est le bougnoule typique. C'est-à-dire que on a affaire à des gens qui sont déjà des déphasés racialement parlant. Et là ça nous renvoie à l'endogamie, à tous les problèmes que ça suppose. C'est-à-dire le fait de marier ses cousines pendant des générations et des générations, avec des QI déficients, etc., des problèmes psychiatriques derrière, il faudra qu'on en parle un de ces quatre. Mais ça reste, d'abord et avant tout, un halogène qui tue des gens à l'aveugle, sans raison. Oui, non mais, alors, tu disais, Gérard Dusk, que c'était dû aux sociétés multiculturelles. Je pense même pas que ce soit ça, quoi, parce que quand ils sont chez eux, ils font quand même globalement la même chose. Hein. Je crois que ça pète aussi à Kaboul, à Bagdad aussi. Hein. Il y a eu des petites joyeusetés hein, ces derniers temps. Donc non, tu as juste des mecs qui sont là. Ils disent je vais faire chier le monde, je vais buter des gens et puis après je vais me flinguer ou voilà. Ouais, mais là c'est un Iranien. Les Iraniens c'est un peu particulier dans le monde musulman. C'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est... non mais c'est un Iranien ouais, si tu veux, un oui. Iran. Okay. Après moi c'est mon avis, c'est que ça ressemble plus à une personne en crise identitaire ou quelque chose comme ça. Mais bon, Après, ouais, non, mais l'Iranien en Allemagne, c'est un arabe, c'est un turc, c'est un métèque. Voilà, donc, oh, c'est un bougnoul. Hein, voilà, c'est il, un il bougnoul, vit parmi hein. les bougnouls, donc il a une gueule de bougnoul, donc c'est un bougnoul. Tu peux pas, tu, oui, si tu ouais, puis l'Iran, réfléchis l'Iran, en termes. C'est quand même le pays de la révolution islamique. Hein, je... ouais, non, voilà. En plus, si, mais si tu réfléchis en termes d'un individu isolé parmi tout un tas de métèques, non, il va être. Il va s'identifier aux autres, quoi. Je pense pas qu'il soit si religieux que ça. Ouais, c'est juste, voilà, comme ce que c'est produire l'Orient, enfin, ouais, l'Orient et le. Oui, c'est racial, Maghreb. C'est ouais, ethno-racial. C'est ça. Voilà. C'est des mecs qui veulent buter des gens pour faire chier le monde. Quoi. C'est parce que lol, je vais buter des gens. Quoi. Avant de me flinguer. Bon, s'il y a le paradis, les vierges et tout à la clé, bon, c'est tant mieux, quoi. Bonus, ouais. Cadeau. Non, toujours est-il qu'on verra bien dans les jours, semaines à venir, les quelques clés de compréhension de cette affaire-là, où il y a encore assez peu d'informations qui sont sorties, malheureusement. Ouais, non, attends, je tiens à préciser. Tu vas pas comprendre les boucaques alors qu'ils se comprennent pas eux-mêmes, quoi. Il y a une information quand même à ajouter, et ça nous vient de Le Point. Donc le titre de Le Point, quand même important à souligner, fusillade de Munich, le lien est évident avec le tueur norvégien Breivik. Alors vous irez voir la gueule... Ah oui. Vous irez voir la gueule du bougnoul, enfin de l'iranien, parce qu'il y a un perse... évidemment, une sorte de bougnouli plus élevé quelque part, hein, voilà, on est dans la... Non, je suis pas d'accord, il faut préciser un truc. L'Iran, c'est très grand, et ça comporte une part importante d'Azéries. Les Azéries sont des pouilleux comme les autres. Hein. Alors, est-ce que lui, il s'en est en tout cas, vous regardez la tête du mec, et comme vous le constaterez, le lien est évident avec le Norvégien Breivik. Voilà. Effectivement, les deux ont utilisé des armes à feu. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les élites, ils sont en train de perdre les pédales, quoi. Ça fait déjà 30 ou 40 ans hein, que les Européens de souche sont attaqués par des non-Européens énervés pour des raisons de frustration sexuelle, de frustration culturelle, de machin mi-couille, mon cul sur la commode. Mais là, c'est de pire en pire. L'année dernière, en France, ça a été le festival de déséquilibrés qui criaient à la Ouakbar pour se donner du courage avant d'égorger des gens. Là, on a le Bataclan, on a Nice... On a l'Afghan à Wurzburg avec la hache. On a Munich. Les mecs, ils n'en peuvent plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à féliciter les mecs de notre bord qui ne réagissent pas violemment. Parce que là, la réalité est en train de mettre à bas toute la construction idéologique du système anti-blanc, quoi. Et c'est ça vraiment dont les mecs, les élites ont peur. Parce que je reprends le... Ils sont en train de dire toujours, hein, comme le patron de la DGSI, là, qu'ils craignaient la confrontation entre le monde musulman et l'extrême droite. Mais véritablement, c'est pas l'extrême droite qui va péter les plombs un jour. Si vous regardez à Nice, c'est des gens qui, je pense, sont tout à fait, pas dire apolitiques, mais des gens normaux, quoi, qui vont jeter des détritus et cracher à l'endroit pile où le terroriste, le prétendu déséquilibré qui était triste parce qu'il était divorcé, a été abattu. C'est des gens tout à fait normaux qui ont hué le Premier ministre. Ce sont des gens tout à fait normaux qui ont dit à une Marocaine, et ça a été filmé par un fils de pute de gauche, qui lui ont dit « Mais rentre chez toi !» Et je crois que c'est véritablement ça dont ils ont peur, là. Bah, ça tombe très bien, c'est très bien parce qu'on va justement parler de l'après-Nice, ou de l'après-Charlie, hein, comme l'a très bien nommé Derek. Et ça fait très bien jonction, ce que tu dis, Captain. Donc, maintenant, on va parler de Nice. J'avais les cheveux blonds, toi t'avais piqué mon blouson. On s'est connus comme ça, à Cergy, dans le RER A. T'avais tout plein d'enfants qui arrivaient de l'océan. Moi pour faire le malin, je t'appelais le Somalien. Est-ce que tu viens peupler la France? Fuir la famine et la sécheresse. Nous saurons, je pense, soigner tes souffrances et mettre fin à ta détresse. Est-ce que tu viens peupler la France avec tes enfants, ta négresse? Ce pays errance, il faut qu'on avance, qu'on se colore dans l'allégresse. On va pas t'expulser, je t'aiderai pour les papiers, je te tiendrai la main, tu seras des nôtres demain, je te trouverai un toit, tu pourras vivre comme un roi, avec tes 15 enfants. Et tout ça, au frais de ses francs. Est-ce que tu viens changer la France? Plus ce racisme qui t'oppresse. Dis ta différence dans l'irrévérence avec ton djembé et tes tresses. Est-ce que tu viens changer la France? Vois-tu ces murailles qui se dressent? Tant d'intolérance sur les apparences, viens nous apprendre la tendresse. La tolérance, la différence, c'est mon poème, ma conviction suprême. Est-ce que tu viens peupler la France? Est-ce que tu viens peupler la France? Avec tes enfants, ta négresse. Avec tes enfants, ta négresse. Ce pays errance, il faut qu'on avance, qu'on se colore dans l'allégresse. Est-ce que tu viens changer la France? Vois-tu ces murailles qui se dressent? Ton intolérance sur les apparences vient nous apprendre la tendresse. Est-ce que tu viens peupler la France avec tes enfants, ta négresse? Ce pays errance, il faut qu'on avance, on se colore dans l'allégresse. Donc maintenant, parlons de l'après-Nice ou de l'après. Je suis Charlie, n'est-ce pas, Derek, hein? Bon, rendons à César ce qui est à César. C'est toi qui as très justement formulé ça de cette façon. C'est l'après Charlie. Ouais, bah écoute, là, après ce qui s'est passé à Nice, je pense qu'on peut le dire, Charlie est mort. Enfin, en tout cas, l'esprit Charlie, quoi, hein? Le charlisme, en mode, faire des bisous partout. Bon, il y a quelques petits trucs qui restent encore, hein, par-ci, par-là. Mais ce qu'on avait vu en janvier dernier, ça, au niveau populaire, réaction, de troupeaux, hein, de moutons abrutis, ahuris, hein, hein, c'est plus trop la même chose avec les attentats à Nice. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis, et parce que dans les vidéos de revendication, et là, je pense que Laurent Grozon aura quelque chose pour nous dans sa grande besace. Les djihadistes de l'État islamique ont explicitement dit que le charlisme et les charlistes étaient morts. Hein. C'était explicité comme ça. Donc, c'est une aussi de leur côté, c'est une revendication express. Hein. Ça, pour ceux qui ont pu avoir accès à leurs revendications, c'est quelque chose de tout à fait clair. Alors, on va s'attarder sur ce passage. Je vous l'avouerai, moi j'étais assez scié. Hein. J'ai vu des choses, des images, des scènes absolument incroyables, en plus des attentats. Après les attentats, première scène sidérante, c'est le gouvernement français, avec Manuel Valls, d'autres ministres, qui se déplacent à Nice. Bon, dans un contexte assez, d'ailleurs assez même particulier, parce que c'est l'été, il fait beau, la mer est belle, le ciel est complètement bleu. Arrive Manuel Valls avec ses comparses, j'ai presque envie de dire, sur les lieux du drame, hein, le long de la promenade des Anglais. Il y a une masse considérable pour venir rendre hommage en fait aux personnes malheureusement décédées lors de la tuerie. Et là, se passe quelque chose d'imprévu. Peut-être que certains s'y attendaient, mais en tout cas quelque chose de sur le moment imprévu que les médias n'ont pas pu cacher parce que c'était en direct. C'est cette énorme vague de sifflements, cette contestation extrêmement bruyante du gouvernement face à cette situation. Qu'est-ce que vous avez à en dire, quoi ? Moi, ça m'a frappé. Hein. Ah oui, c'est absolument saisissant. Après, il faut aussi remettre les choses en perspective. Moi, je suis peut-être pas aussi optimiste que Derek en parlant d'après Charlie, expliquant que l'esprit Charlie est mort, parce que est-ce qu'on a quelque part pas affaire à deux sociologies différentes entre la population bobo parisienne et les Niçois et les gens habitant dans le sud et en Côte d'Azur particulièrement? Est-ce que ce sont pas aussi deux sociologies différentes et deux mentalités différentes? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part à Nice une plus grosse tendance à voir les choses en face, tout simplement, à refuser le bisounoursisme, le charlisme et des choses comme ça pour faire comprendre Manuel Valls et au gouvernement que ce qui s'est passé est en partie, même pour une grande partie, de leur faute. Ah, c'est une bonne remarque. C'est vrai que tout ce qui est d'Azur, et particulièrement Nice, ça reste... au niveau population, en tout cas les Blancs, ça reste très, très marqué à droite, hein, au niveau de, voilà, de la personne lambda. Par contre, je me souviens, moi, à l'époque, justement de Charlie, hein, voilà, il y avait eu les marches à Nice sur la promenade des Anglais, comme un petit peu partout en France, et c'était... ça avait rien envié, si tu veux, au bisounoursisme... excusez-moi du néologisme, au bisounoursisme de ce qui pouvait se faire à Paris ou autre. Hein. Non, il y a que, je pense que voilà, c'était, au niveau de Charlie, c'était une première. Là, bon, il y a eu le Bataclan, il y a eu des petits trucs à droite à gauche, le mec qui décapite son employeur, bon, voilà, ça commence à... ça commence à faire beaucoup, quoi, disons, ouais. Non, puis les petites filles là, qui se font poignarder. Oui, mais ça, c'est après. Elles sont habillées, hein, trop légèrement, quand même. Là, ça commence à aller assez loin. Hein, je pense. Oui, oui. Non, mais oui, de toute manière, bon. C'est vrai que c'est nos amis musulmans, n'est-ce pas, sont très créatifs. Qui ont vocation à voter Front National. Oui, n'est-ce pas. Et oui, non, mais. Je vois, c'est vrai que moi, je suis dans le. Hein, ça s'entend, je suis dans le sud. Hein. Je ne saurais pas vous dire comment ça se passe un petit peu ailleurs, mais là, nous, on est passé un niveau au-dessus. Quoi. En gros, si tu croises un blanc dans la rue, au bout de 5 minutes, tu commences à te dire, tiens, si on les mettait dans un bateau, les Arabes. C'est au hasard, quoi, comme ça. Hein. Un bateau sans fond. Ouais, voilà, un bateau avec... Je propose de nommer le bateau le Titanic ta mère. Voilà, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça fait ton sur ton. Pourquoi ça des bateaux qui ne savent pas nager, les boucaques? En tout cas, visiblement, ils sont suffisamment bons, sans avoir de compagnie, de ferry boat, pour arriver jusqu'à chez nous. Je suppose qu'ils seront aussi bons pour retourner chez eux, avec peut-être des moyens un peu plus encourageants pour remigrer. Voilà. Donc, bon, ça, c'est ce que je vois, moi, au niveau local, hein, d'une part. Après, j'ai pu remarquer un petit peu là, les sorties de députés, d'élus en tout genre, de maires, hein, députés, sénateurs, des Républicains, donc le parti de droite, classique, hein, voilà, qui commence à dire qu'il faudrait peut-être que les citoyens français soient armés et ne pas laisser seulement les armes au niveau des terroristes, hein, en tout cas des malfaiteurs. Ça, c'est au niveau français, c'est vraiment très nouveau, ça. Hein. Ça, c'est J'ai jamais entendu un politique voilà, sortir ça. C'est vraiment la première fois en France. Là, c'est donc en l'occurrence, c'était le. Je crois que c'est un député. Oui, on allait en parler, mais on allait le citer. Oui, oui, c'est Marceau. Ouais. Le député Marceau, Alain Marceau. Qui n'est pas du magistrat. Secteur d'ailleurs, hein, qui n'est pas du sud de la France d'ailleurs. Non, non, il n'est pas du sud de la France, mais voilà, tu as donc ce personnage-là qui a aussi parlé, donc il a aussi mis le doigt sur la ville de Trappes qui apparemment serait gouvernée, vraiment gouvernée, il a bien pesé ses mots, par les islamistes. Donc c'est. Voilà, comment je ça. Je peux confirmer. Oui, non, mais bon, c'est vrai que c'est un trou à rat, n'est-ce pas, hein. Mais bon, y a au niveau du champ lexical, il y a des modifications. Hein, c'est voilà, on n'est plus dans pas d'amalgame, attention. Oui, oui, oui. Il va falloir qu'on apprenne à reconstruire. Non, le lien là, social, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Là, on ne parle plus trop de social, on parle de prendre des, voilà, d'être armé. Prendre des flingues, éventuellement, voilà. Voilà, voilà. Hein. Donc, je crois qu'il y a eu d'autres élus républicains aussi qui commencent voilà, à être un petit peu agacés de ce qui se passe. Ouais, de ce qui se passe. Oui, parce qu'il faut le souligner, ça. Il faut le souligner. Ouais, évidemment, on pourrait se dire, parce que on les connaît, hein, je veux dire, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la température, ils regardent bien qui est autour d'eux, ce que disent les médias, etc. Et quand il y a des élus comme ça, des députés, etc., qui se sentent obligés de dire des trucs pareils, c'est que dans leur circonscription, ça pousse très, très, très, très, très, très fort, hein. On est bien d'accord, hein. C'est que c'est. Ouais, non, mais t'as ça, et puis, t'as aussi peut-être les mecs n'en peuvent plus, quoi, parce que bon, oui. Enfin bon, ça reste des gens qui sont quand même globalement qui sont pour tout ce qui est un petit peu ordre, hein, normalement. Oui. On n'entend plus trop la droite kosciusko-morizée. Je sais où est-elle. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était, il y avait quasiment plus que ça. Kosciusko-morizée, c'était elle qui faisait l'appui et le beau temps. Est-ce que je pense pas que ça va revenir un jour. Je pense que c'est cette droite-là est en voie de disparition, voilà, clairement. Bah, disons qu'elle est amalgamée par la gauche, quoi. C'est. Oui, un truc. Alors, justement, dans la foulée de ce qui s'est passé, enfin dans les attentats de Nice, on a vu tout de suite, à part donc effectivement la comtesse très impressionnante. Hein, ceux qui l'ont pas vu, de auditeurs, je leur conseille vivement d'aller sur YouTube, de regarder les images. Vraiment impressionnante, hein, de cette contestation de masse contre la présence de Manuel Valls, hein, qui se fait insulter, couvrir, et qui a envie, je me rappelle, hein, il y a un moment donné, il passe comme ça dans une, enfin, il y a un corridor qui lui est réservé pour qu'il puisse aller là où il doit aller. À un moment donné, il se fait insulter par toute la population, et on voit qu'il regarde avec l'air haineux qui lui est propre. Il a envie de s'arrêter, mais il sent qu'il ne peut plus. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller au-delà. Il ne peut plus tenir en respect la foule, tenir en respect un individu. Mais on sent qu'il y a cette haine, j'ai l'air du mégalomane qui ne supporte pas le constat de l'échec et de la contestation. Hein. Ça, c'est vraiment frappant. Allez la voir, cette vidéo, c'est absolument frappant. Quelqu'un veut le dire, ça? Oui, j'aimerais juste ajouter une toute petite info, c'est que les gens, non seulement insultaient Valls, mais surtout criaient démission, démission, démission. Oui. C'est important, c'est que les gens, voilà, ils ont compris qu'il y avait quand même quelque chose. En plus, dans un contexte, je crois qu'en Belgique, par exemple, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, il y avait une ministre qui avait démissionné. La ministre qui était à l'époque compétente s'agissant de la sécurité avait démissionné parce qu'elle avait failli dans sa mission. Or, oui, là, Valls est Premier ministre, et depuis qu'il est Premier ministre, ben, on enchaîne les attentats. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que. Et pour le coup, c'est pas juste un truc politicien. C'est-à-dire qu'on a Cazeneuve qui a été mis sous pression par le Front National et par un certain nombre de personnes, c'est quand même quelqu'un qui a un bilan catastrophique en termes de sécurité. Et en fait, il reste parce que ces gens-là, et on met Hollande dans la bande, on met Valls, on met le gouvernement socialiste, les socialistes, ces gens n'en ont rien à foutre des conséquences. En fait, ces gens sont dans une problématique d'image et d'orgueil, quoi. C'est-à-dire que je ne céderai pas face à la contestation de l'opposition. Même si ça doit coûter 250, 300, 400, 500 morts. ce qui est hallucinant quand même. C'est-à-dire, c'est surréaliste. On n'a jamais vu un truc pareil en France. En tout cas, depuis 30, 40 ou 50 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement inédit, quoi. Pour eux, ce serait cher le jeu du populisme. Non, mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on pose la question au ministère de l'Intérieur. Et même, mais j'ai vu, je pense que vous l'avez peut-être vu aussi, sur BFM TV, à un moment donné, il y a Dupont-Aignan, bon, que je n'apprécie pas particulièrement, mais enfin, qui est face à une des porte-parole du Parti Socialiste. Et il dit, mais enfin, quand même, le bilan est quand même mauvais, etc. Et puis, la porte-parole s'emporte, etc. Et même le journaliste de BFM TV dit, enfin quand même, on peut quand même poser une question sur le bilan de Monsieur Cazeneuve, et on voit la socialiste qui commence à s'exciter, à monter dans les tours, etc. Et même le journaliste a un problème parce qu'en fait il dit, mais je ne peux même pas vous poser une question sans que vous m'agressiez, quoi. On peut pas poser de question sur le bilan d'un ministre, quel problème, etc. Et on voit qu'en fait on voit qu'il y a une énorme tension et que ces gens-là ne supportent absolument pas d'être remis en question, peu importe les conséquences des actes et les morts. Ils s'en foutent. Et alors, je vais embrayer là-dessus, et je pense que vous l'avez vu comme moi, c'est que la dernière nouvelle qui court sur Nice, c'est que le gouvernement français, via la justice, entre guillemets, parce qu'en fait, le ministère de la Justice et les magistrats sont aux ordres du gouvernement, ce sont des laquais, ont exigé de la municipalité qu'ils effacent toutes les images de l'attaque et de l'attentat, parce qu'en fait, Cazeneuve et son ministère n'avaient pas pris les bonnes mesures pour bloquer éventuellement des attaques, alors que pour le coup, Estrosi, qui est un médiocre, avait demandé des renforts, il les a pas reçus, et que les mesures qui devaient être prises n'ont pas été prises, du coup, ils ont commencé à effacer les preuves. Hallucinant, surréaliste. Bah, non. Réaction de Cazeneuve, je ne démissionnerai pas. C'est hallucinant, quand même. On peut pas dire qu'ils effacent les preuves, non, les preuves, les vidéos ont été transférées à la justice, simplement ce qu'ils veulent c'est que la mairie de Nice supprime ces images de ses archives de peur que ça fuite et que le Pékin moyen puisse avoir accès à ces images sur internet le jour où un collaborateur de Wikileaks mettrait la main dessus. Non, je t'arrête tout de suite, non, c'est pas ça l'enjeu. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, mais vous comprenez, la violence des images, tout, on a vu les images sur CNN, ok? Donc, la violence des images, etc., hein, mon cul. Le problème, c'est qu'il devait y avoir un barrage de police et, enfin, tout un dispositif pour bloquer l'accès à la promenade des Anglais, qui n'a pas été respecté par le ministère de l'Intérieur, ce qui met en cause directement Cazeneuve, et les images peuvent le démontrer. Et c'est ce qu'ils veulent faire disparaître. Et c'est pour cette raison que la mairie de Nice, qui est UMP pro-sarkozyste, a refusé, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient une bille contre le gouvernement socialiste, et c'est un scandale dans le scandale, en fait. Parce que ces gens-là sont en train de jouer leur survie politique, Cazeneuve joue sa survie politique, Hollande joue sa survie politique, sur des cadavres. Et c'est devant les yeux de tout le monde, ce qui est quand même hallucinant, quoi. J'étais sidéré de voir un truc pareil, quoi. Moi, ça me choque pas dans le sens, on est quand même face à des gens qui se foutent de notre gueule depuis 40 ans, qui depuis 40 ans mettent en place des politiques qui mènent aux conséquences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, alors que ces mecs-là essayent de brouiller les pistes et d'ouvrir le parapluie pour protéger leurs petites fesses bien au chaud, ça me choque pas du tout, hein. C'est dans la droite lignée de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. L'incompétence semble être à tous les niveaux. Alors moi, je savais même pas qu'il y avait des Albanais dans cette histoire, mais apparemment. Ce sont les vendeurs d'armes. Comment ? Ce sont les Albanais. Ce sont ceux qui ont, semble-t-il, vendu les armes au type. D'accord. Oui, donc il y a un des deux Albanais. Alors il y a un des deux Albanais qui devait être expulsé en début mai et qui se trouve encore sur le territoire français. Et ça mais, c'est information qui vient de sortir encore. Donc. Attendez. Gringoy, tu vas pouvoir réagir tant que tu voudras. Simplement, je veux juste préciser. Il y a 6 personnes qui sont impliquées, donc on est très loin du dépressif du départ. 6 personnes impliquées, donc 4 Tunisiens, 2 Albanais, dont l'Albanais dont tu fais mention, qui effectivement aurait dû être expulsé. D'ailleurs, non-expulsion qui aurait dû valoir démission de Cazeneuve. Hein. Rien que cette non-expulsion suffirait normalement. Hein. Ah oui, c'est... oui, de Cazeneuve, du préfet en charge de l'exclure, etc., etc. Ah oui, mais absolument. Mais d'ailleurs, pour revenir justement sur ce tueur-là, tu évoquais ça à l'instant, Gandalf. il y a un truc très amusant, c'est que on n'a pas arrêté de nous dire oui, mais ce type dansait la salsa, il avait cessé de faire son ramadan, peut-être même qu'il buvait de l'alcool, il était même homosexuel, mais en réalité, il semblerait qu'on ait affaire à un certain niveau de tarkia, comme disent ces gens-là, puisque apparemment c'était prémédité depuis plusieurs mois, depuis quasiment un an. Il y avait eu des repérages il y a un an lors du feu d'artifice en 2015. Pour préparer l'attentat qui a été commis cette année, et le type avait tout préparé minutieusement, et lui-même, contrairement aux attentats précédents, où c'était quand même des mecs qui étaient quand même fichés, etc., qui, tu sais, c'était des barbus et compagnie, lui, c'était un mec qui se faisait passer pour le rebeu paumé lambda, et qui du jour au lendemain passe à l'action, alors qu'en réalité, c'était préparé, prémédité depuis des mois, donc c'est vraiment... Là, c'est vraiment de la pure tarkia. Là, je peux donner une information pour ceux qui ne savent pas, c'est que par exemple, l'ETA, donc le groupe armé basque, a une règle quand il recrute ses soldats. Ce sont des gens qui n'ont jamais participé à une seule manifestation publique, qui n'ont jamais été encartés dans aucune organisation, qui n'ont jamais manifesté publiquement aucune espèce d'adhésion politique. Et c'est pour ça que cette armée a été si difficile à anéantir. Ils ont réussi, le gouvernement espagnol, le gouvernement français ont réussi à la démanteler, mais d'abord c'est un tout petit peuple, le peuple basque, et on parle d'une minorité, toute petite minorité au sein du peuple basque, qui était prêt à passer à l'action armée, et pourtant ils ont eu énormément de difficultés. Mais il y avait une règle, et c'est celle de n'avoir jamais, ni de près ou de loin, avoir eu aucune espèce d'affiliation. Donc imaginez sur le vivier dont nous parlons, les potentialités. Considérable, absolument considérable. Donc une préparation absolument certaine, absolument certaine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réaction des autorités religieuses constituées, est-ce que vous avez fait attention à ça? C'est-à-dire que les imams de la République, est-ce que vous avez relevé ce qu'ils ont dit? Alors, bien entendu, les attentats n'ont aucun rapport avec l'islam. Par contre, le fait qu'il y ait des attentats, c'est dû à la laïcité à la française. Faudrait savoir. Donc en fait, ça n'a pas de rapport avec l'islam, mais c'est parce qu'on tape tôt sur l'islam qu'il y a des attentats. Quoi. Voilà. C'est parce que l'État français est trop laïque et pas assez... musulman. Pas assez arrangeant avec les musulmans. C'est la faute à Christine Tazan, quoi. Ouais, en gros, si tu veux. Bon. Et au capitalisme. Si tu veux, mais... Non, ça, on y vient, vous allez voir. C'est vrai. Non, alors, d'ailleurs, j'ai quand même cité le communiqué du CCIF. Donc, le CCIF, c'est le Comité de lutte contre l'islamophobie en France. Donc, accrochez-vous bien. Hein. Dans le contexte qui suit ce nouveau drame, le CCIF en appelle à l'extrême vigilance des autorités. Afin de tirer des leçons des attaques successives qui ont visé notre pays avec 3 points d'action prioritaires, renforcer les dispositifs de protection des lieux de culte, donc évidemment des mosquées, hein, on s'entend, accentuer la surveillance de mouvements racistes et identitaires, hein, qui puis les appellent à la haine, et incite explicitement à des représailles, pour l'instant n'ont pas encore eu lieu, et réévaluer la politique antiterroriste sur la base des rapports rendus précédemment, c'est-à-dire en fait arrêter le ciblage et les dérives de l'état d'urgence sur les musulmans, hein, qui sont surveillés, les pauvres petits. Alors moi, sur le CCIF, je veux rebondir parce que ce collectif contre l'islamophobie en France est une émanation de l'Union des organisations islamiques de France, qui elle-même n'est que la vitrine des frères musulmans dans l'Hexagone. Alors, les frères musulmans, c'est une organisation islamiste internationale, dont le mode tactique est le suivant, et comme l'avait très bien résumé Erdogan, dont on n'a pas parlé, mais dont on a parlé la semaine dernière, qui est une des fières de proue, parce que c'est le seul gouvernement, le gouvernement turc est le seul gouvernement de la planète qui est effectivement dirigé par les frères musulmans. Il avait dit « la démocratie est le véhicule par lequel nous arrivons à destination, qui est la charia, et la loi islamique et le califat. Hein. » Donc, le gouvernement du monde par la loi musulmane. Bon. Donc, voilà à qui on a affaire. Et le CCIF est lié au fameux imam de Brest, au prédicateur salafiste de Brest, qui a expliqué notamment que, à des enfants, devant un public d'enfants, hein, on parlait d'enfants de 7 à 8 ans, c'est filmé, c'est disponible sur Internet aussi, que si l'on écoutait de la musique, on serait transformé par le prophète Mohammed et Allah en singe ou en porc quand à sa mort, hein, en singe ou en porc à sa mort. Donc, entre autres choses, parce qu'il a aussi légitimé le viol, il a dit que une femme non voilée ne devrait pas s'étonner si les frères, entre guillemets, les musulmans, violent une femme non voilée si jamais elle déambulait dans les rues. Donc ça, c'est un peu la clientèle donc qui est proche du CCIF. Ce CCIF donc a fait aussi alliance avec l'extrême gauche, ce que personne ne sait, c'est la Ligue des droits de l'homme a formellement noué alliance avec le CCIF pour contrer ce qu'ils appellent la répression du gouvernement. Donc, que dire si ce n'est que effectivement ce CCIF dit en gros le problème en France après les attentats de Nice, c'est une réaction du peuple français. Oui, de leur point de vue, c'est logique. Oui, effectivement, le gros problème, ça serait ça. Donc, ils ont raison de le dire. Le problème, c'est que ces gens-là, de l'UOIF, du CCIF, sont reçus place Beauvau et que on n'a pas encore su que le Front National ou que d'autres organisations nationalistes ou patriotiques, pour ne pas dire des organisations chrétiennes, réellement chrétiennes, soient reçues au ministère de l'Intérieur. Donc les frères musulmans, les islamistes, sont reçus au ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, des Français sont assassinés à l'aveugle par des camions, des bombes, des kalachnikovs. C'est-à-dire Bicol. Que le problème, c'est qu'on tolère pas encore assez de bougnoules qui massacrent des gens comme ça, un petit peu n'importe comment. Et c'est vrai qu'il faut s'ouvrir un peu encore plus, quoi. Là, on n'est pas encore au. Franchement, voilà. Mais faut quand... à un moment donné, il faut quand même dire les choses, quoi. Il y a 84 personnes qui sont écrasées par des camions. Il y a des enfants qui sont transformés en charpilles. On a un gouvernement qui lèche le cul des islamistes et en l'occurrence des frères musulmans. On a l'UOIF qui parade. On a le CCIF après les attentats qui vient t'expliquer que le danger c'est l'extrême droite et personne ne bronche. À un moment donné, voilà quoi. Je veux dire, bon, hein, on sait tous à quoi s'en tenir, mais enfin, c'est quand même ce qui se passe en France. Et bon, et alors, du coup, bon, on parlait justement des réactions. Les imams des Alpes-Maritimes ont réagi suite à ces attentats. Voici ce qu'ils ont dit. Cet attentat n'a ni religion, ni couleur de peau. C'est-à-dire que, non mais franchement, je veux dire, les imams déboulent, et en fait, ils t'expliquent, mais c'est pas nous. C'est pas sur leur forum à eux machin, c'est repris par la grande presse. On leur déroule le tapis rouge, on leur oui, c'est pas l'islam. Bah c'est quoi alors? Alors, ça serait marrant de voir ces gens-là tu vois, imagine bon, pour l'instant c'est pas arrivé, j'espère que ça va continuer comme ça. Qui est un blanc qui fasse un carton voilà, hein, en mode il y en a marre des Arabes, etc., etc. Est-ce qu'il nous dirait que cet attentat n'a pas de race ni de religion Je suis un petit peu plus sûr. Alors, il dirait que le lien avec Anders Breivik est évident. Oui, voilà. Mais même quand c'est un Iranien, d'ailleurs, le lien avec Anders Breivik... on a l'habitude, quoi. Mais bon, les gens ne sont pas dupes. Hein. Et puis d'ailleurs, même dans les médias, ça passe pas très bien. Je sais pas vous, bon, je regarde, moi, je regarde pas beaucoup la télé, mais je vois pas beaucoup d'arabes, quoi, de mecs qui parlent. Quoi. Bah alors, détrompe-toi. Sur RMC, il y en a beaucoup. Je vois, moi, si vous parlez des médias, je peux en parler parce que j'écoute un peu RMC pour m'intéresser au foot et au sport. Et sur RMC, c'est vraiment pas d'amalgame. C'est C'est l'égalité et réconciliation version mainstream, quoi. Là, c'est intéressant ce qu'il dit l'ami Gringoy. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi relatif à la clientèle, au public qui vise par rapport au football. Oui, voilà, parce que bon, dans tout ce qui est généraliste, les Arabes sont très discrets. Hein, parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, en fait, ça suscite des réactions hostiles. Hein. Je pense, épidermique. Voilà, Ouais, quand, même, quand le mec te dit que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire que la meilleure façon de rendre quelqu'un raciste, c'est quand même de laisser parler un Algérien. Ouais, ben ouais, c'est ça. D'ailleurs je sais pas si. Est-ce que vous avez entendu l'imam Chalgoumi après les attentats de Nice? Personne n'écoute. Lui, hein, mais oui, c'est pas que personne ne l'écoute. C'est que d'habitude il a droit aux 20h de France 2, de TF1, etc. Sur BFM TV, c'est le premier à qui on dit. C'est le premier auquel on donne la parole pour dire s'il n'a rien à voir avec l'islam, etc. Là, que dalle. Hein. Mais même pour le 13 novembre, on ne l'entendait plus. En réalité, Chalgoumi, on a arrêté de l'entendre après Charlie Hebdo, où en fait, il avait été grillé comme un débile mental par tout le monde. Même par les plus gauchistes, ils ont compris que ce type avait 25 cases en moins. Quoi. Alors, attendez. Moi, je tiens à... Puisqu'on en est dans les imams... Bon, c'est pas qu'on en fasse grand cas, mais disons qu'on en a un là qui a été estampillé valide par Estrosi. Donc c'est pour vous dire que ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais bon, enfin, il était au moins officiellement admis. Il s'appelle Abdelkader. Ils s'appellent tous Abdelkader. Sadouni, un imam de Nice. La laïcité française est responsable des attentats. Alors vous allez me dire où il a dit ça, ce con? Dans un journal italien en langue italienne. C'est-à-dire qu'en fait, il a bien fait attention. À quel organe de presse auprès duquel il s'exprime. Alors voici ce qu'il a dit. Selon moi, la situation des musulmans en France est le premier facteur qui pousse de nombreux jeunes à aller se battre. Donc nous sommes des victimes, je traduis. Hein. Aussi longtemps que les mosquées seront si peu nombreuses, les plus nombreuses dans le monde occidental pour payer par habitant, hein, que leur construction suscitera des protestations et que les musulmans seront discriminés, toujours des victimes, ils ont les mêmes droits que vous et moi, hein, ceci étant dit, hein. grosse discrimination. Il y aura ce genre de réaction certes erronée, tu tues ton voisin, bon, t'es erroné. Mais c'est du chantage. T'es erroné. Mais bien réelles, des réactions bien réelles, face auxquelles nous devons extirper le phénomène qui les génère. Donc en fait, je résume, nous sommes des victimes. Il y a des gens qui font des erreurs, erronées erreurs, hein, donc ils se trompent. Mais fondamentalement, ils ont raison. Il faut corriger. La correction ne peut pas venir de nous, parce que nous sommes des victimes. Donc la correction, c'est vient des autres. Quelle peut être la correction? Faire des mosquées. Simple. Faire des mosquées, et vous fermez tous bien vos gueules. Mais c'est du chantage en réalité, puisque en fait, lui, ce qu'il dit, c'est vous vous boufferez des attentats dans la gueule tant que la France ne s'islamisera pas plus. C'est-à-dire en gros, que, il parle selon comme lui, il dit, si vous voulez pas vous prendre des bombardements, des calages dans la tronche, etc., il faut que la France s'islamise, sinon ça continuera. C'est ça que ça sous-entend. Voilà, exactement. Et c'est ce que je dis. Lui, il est proche des frères musulmans, il est estampillé par Estrosi. C'est pas l'État islamique, mais vous comprenez tout d'un coup la dialectique qui est en jeu, c'est-à-dire le bon flic, le mauvais flic, le djihadiste qui te menace avec un flingue, et l'enculé qui est en costard cravate, qui arrive et qui te dit « Écoute, moi je suis le bon musulman, mais tu me construis ma mosquée. » Voilà ce qui est en train de se passer. Ce que je trouve incroyable, c'est que je me mets souvent à la place, parce que bon, bah, on est pas mal ici à avoir été des expats. Donc moi, ayant été expat, je me mets dans cette position. Je m'imagine une communauté française qui commence à foutre la merde au nom de la France, je sais pas... Dans les différents pays où j'ai habité, je sais pas quelles auraient pu être les raisons, mais tu vois, en raisonnant par l'absurde. Mais le tribalisme de ces gens est incroyable, quoi. C'est vraiment, ils ont 1000 ans de retard au niveau de la conscience, quoi. C'est vraiment encore c'est vraiment une meute, quoi. Non, une meute avec le même esprit de meute. Il y a un mec qui parle, tout le monde suit derrière, comme c'est vraiment flippant, quoi. Ils se reconnaissent de manière, sans le savoir, en se croyant différents tous, on voit bien, nous qui les voyons de l'extérieur, on voit bien qu'ils réagissent, ils vont tous dans le même sens, ils réagissent tous comme s'ils ne formaient qu'un. Et moi, ça m'hallucine, parce que je savais pas qu'ils en étaient encore à ce niveau-là, quoi. Non, la France n'est pas du tout décommunitarisée, hein, ils sont au même niveau, enfin, ils sont au niveau des tribus anti-islamiques là, qui faisaient la razzia aux quatre coins du Moyen-Orient. Astérix, franchement, là, je t'entends, j'ai l'impression franchement, j'ai l'impression d'entendre un gauchiste, là, quoi. Le problème, c'est pas que les boucaques et que les nègres sont pas tribaliste ou est une conscience raciale. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est normal que ces gens-là aient cette conscience-là, mais que les Blancs ne doivent pas l'avoir. Non, non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que tu ne comprends pas, on peut avoir une conscience raciale et avoir une conscience morale qui est universelle. C'est-à-dire que moi j'ai une conscience raciale, je sais très bien que les terres appartiennent à des peuples, que c'est, tu vois, tout ça n'a pas été fait par hasard, mais... En revanche, je suis capable de distinguer ce qu'un Français ou un Blanc fait de bien ou de mal, tu vois. Je suis capable, si je vois un Blanc pédophile violer une petite Arabe, je suis capable de dire « putain, l'enculé, d'aller lui couper la bite », tu vois, parce que c'est... eux, j'ai l'impression, n'en sont pas capables, même quand ils le croient. C'est-à-dire, ils se croient moralement valables et tout ça, mais le tribalisme les aveugle, c'est ça que je veux dire. Le tribalisme aveugle pas aveugle pas les blancs racistes, tu vois. Le tribalisme n'aveugle aucun raciste, à part peut-être certains, mais je pense pas ici. Moi, ça m'aveugle pas personnellement, mais je pense que vous, ça vous aveugle pas non plus. Le problème, c'est que tu fais de l'ethnocentrisme, en fait. Tu te dis, nous, les Européens, on a cette faculté d'arriver à passer au-delà, enfin, on n'a plus déjà de tribalisme et compagnie, on arrive à passer au-dessus de tout ça. Pourquoi les autres ne le font pas? Et en plus, tu sais, c'est comme l'histoire des droits de l'homme, les gens qui clament les droits de l'homme et compagnie à gauche et à droite, alors que... et qui font venir à leur table des gens qui ont chez eux une conception complètement différente des droits de l'homme. Par exemple, les pays musulmans, ils adhèrent plus ou moins de façon officielle aux organigrammes de l'ONU et autres organisations à la con, mais chez eux, ils ont leur propre conception du droit des hommes. Et des droits des hommes musulmans et non musulmans. Le problème, c'est que c'est ça, quoi. À mon avis, Si tu veux, faut comprendre que ces gens-là, les gens dont on parle, sont passés par deux universalismes. Ils sont passés d'abord par l'islam, qui soi-disant, en tout cas, quand on devrait être un universalisme, mais ensuite ils sont passés par la République française. Donc ces mecs, après être passés par deux machines à laver, ils ressortent aussi sale. Il n'y a rien, de machine à laver, on se comprend. En tout cas, si on pense que le tribalisme à ce niveau-là soit mauvais, tu vois, moi, là-dessus, je porte pas de jugement, c'est juste que moi, je m'étonne, en fait. Je m'étonne vraiment. Non, mais d'accord, on a bien noté ton étonnement. Gringoy, quoi. Moi, je veux embrayer là-dessus sur un truc. Parce qu'on a dit, ouais, Charlie est mort. C'est un petit peu l'ambiance du sujet. J'ai trouvé un truc, enfin ça m'a scié, mais en même temps ça m'a tellement pas surpris, quoi. Je veux dire, c'est une vidéo qui a été partagée. Alors, je vais vous expliquer le topo. Je tombe sur des liens, c'est toujours pareil quand on sort sur internet, machin truc, etc. Les attentats de Nice, et tout d'un coup, je tombe sur un machin qui s'appelle Cher Monsieur le Terroriste. Ok, ça vous parle. Oh là là là là là. Oui. Ouais, cher Monsieur le Terroriste. Alors voilà, Charlie est mort, machin mes couilles. Alors cher Monsieur le Terroriste, je dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc qui sonne pas très, très bien. Je suis une citoyenne du monde. Je suis une citoyenne. Alors. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent. Non mais c'est une jeune, elle doit avoir 16 ans. Franchement. Hein, elle est algérienne d'origine. Ouais, non mais. Bon mais c'est rigolo, voilà. Non attends. Attends, laisse-moi expliquer le topo. Vas-y. C'est-à-dire que, évidemment, t'as le blanc. Lui, il est vacciné. C'est-à-dire qu'il a vu les attentats, les gamins écrasés par des camions, le Bataclan, les balles qui déchiquettent les corps, etc. Bon, lui, tu vois, il est lassé, il en peut plus. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis tu vois, tu as le boucaque bête et méchant. Bon, vraiment baduf, tu vois. Lui, il veut de la frite, quoi. Il veut de la basson. Et puis t'as les types au milieu, le marais, quoi, tu vois. Et là, t'as Boukaka ou la beurette, quoi, la beurette de base, quoi, tu vois, qui se dit putain, moi retourner au bled, ça me branche pas tellement, parce que franchement, niveau émancipation féminine, je veux dire la banlieue d'Alger, on fait mieux. C'est vrai que franchement, les terroristes à la con, là, les barbus qui coupent des têtes partout en France, ils risquent franchement de me faire bazarder de France et je vais me faire offrir un billet aller simple pour direction le bled, quoi. Et là, elle fait une vidéo et évidemment, et moi, avant même de cliquer sur le lien, je me suis dit, allez, 500 000 vues. Bah tu vois, j'étais encore un petit peu trop naïf, tu vois. un million de vues, tu vois, pour la putain de musulmane qui dit le terrorisme, c'est pas bien, l'État islamique, vous avez rien compris, et nous, on est les gentils mumus parce qu'on s'assimile. Et là, Laurent Grozon, je te prends un témoin. T'as intérêt de me sortir ce que disent vraiment les vrais musulmans de l'État islamique, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent de ces fils de pute de d'arabes à la mort moelle paf. Les collabeurs, comme dirait l'autre. Voilà, les collabeurs, c'est-à-dire ceux, tu vois, qui sont en train de dire « Oui, mais je suis tellement bien en Occident que voilà, machin truc. » De sortir le discours direct de ces gens-là, parce que s'ils pensent qu'ils vont s'acheter une place au soleil tout en nous crachant la gueule et en crachant la gueule des autres, parce qu'il faut pas croire, hein, ils nous aiment pas plus que les autres. Hein. Nous, on est des sales racistes, les autres sont des extrémistes qui les mettent en danger. Voilà, en gros. Et ben, moi, je pense qu'il faut mettre pour nos auditeurs en direct ce que disent les djihadistes de ces gens-là, c'est-à-dire de ces arabes à la con qui essayent de jouer sur deux tableaux, ce qu'ils en pensent. C'est pas piqué des hannetons. Oh, vous, les musulmans qui vivez chez eux, chez ces mécréants, n'est-il pas temps que vous fassiez la hijra fi sabilillah, que vous émigriez pour Allah Azza wa Jal? N'est-il pas temps que vous défendiez votre religion? Subhanallah. Ils sont en train d'humilier notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, vous êtes là, assis, avec vos beaux discours, votre amitié envers ces kuffars, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous interdit d'être amis avec les kuffars. Le jour des comptes, beaucoup d'entre vous vont regretter ce qu'ils ont fait. Ah bon, non, mais parce que voilà, moi j'avais pas fini tout à l'heure en fait, quand j'expliquais si on est, en étant expat, comment on se positionnerait. Vous imaginez bien que pour sauver notre peau, on se positionnerait, et pour sauver notre peau, et même pour sauver la morale, pour tout sauver, si notre communauté se mettait à semer autant de troubles dans un pays dans lequel on se trouve, bah, naturellement, on dirait à tous nos voisins, tout ça, qui nous ont accueillis, on leur dirait, bon, écoutez, je sais pas ce que c'est que ces mecs-là, je sais pas d'où ils sortent, manifestement, ils sortent de notre pays à la con, on va vous en débarrasser, quoi. Tu vois, c'est une distanciation tellement nette, tellement radicale, que ça devrait être les plus extrémistes aujourd'hui. En réalité, ils n'existent pas, ces arabes-là, tu vois. Donc on voit qu'ils sont tous dans une espèce de... Enfin, s'ils existent, il y en a quand même, tu vois, t'as les aldostérones, t'as les mecs qui sont dans la distanciation claire et nette, quoi. Mais... Moi, tu vois, le seul truc où je donne du crédit à un type, c'est pas quand il se distancie, c'est quand il attaque. Tu vois, c'est quand un Algérien dit l'islam c'est de la merde, le Maghreb c'est de la merde, ces sociétés c'est de la merde, et moi je vous emmerde et je vous combats, là le mec je lui dis ok, parce qu'il a rien à gratter dans l'affaire, et donc là il est crédible. Mais les gens dont je te parle, les gens qui font des vidéos à la mort moelle paf comme ça, c'est des gens qui disent ouais ok c'est une société raciste, etc., tous les blancs c'est de la merde, mais quand même vous nous foutez dans la chiasse aussi, vous les djihadistes, donc s'il vous plaît essayez de faire un peu profit bas. Tu vois, c'est j'essaye de gratter le max, tu vois. Ils sont incapables d'honnêteté, ces gens-là, ok? Ouais, et il y a des exceptions, c'est vrai, mais c'est des exceptions. Et ce qui qualifie une exception, c'est précisément le fait que le mec, tu vois, il fonce dans le tas sans calculer. Il n'y a pas de « j'essaye de gratter quelque chose », tu vois. Il y en a quelques-uns, moi je le reconnais. Et vous le reconnaîtrez au fait que, d'abord, ils n'ont jamais attendu tous ces attentats pour le dénoncer. Et surtout, ils chient cordialement sur le Maghreb et l'islam. Mais vraiment cordialement. Et moi, je les respecte pour ça. C'est pas parce qu'ils renient d'où ils viennent, mais c'est parce qu'ils regardent les choses telles qu'elles sont. Ils voient leur pays d'origine tel qu'ils sont. Et de facto, quand t'es objectif sur le Maghreb, t'as forcément envie de dégueuler, quoi. C'est objectif. C'est pas de. Moi, je veux dire, je sais pas, s'il y avait un Coréen qui. Je demande pas à un Coréen de vomir sur son pays par définition. Je regarde la Corée, je regarde ce que me dit le Coréen de son pays, et je regarde. Mais quand un Algérien vient me brandir son putain de drapeau en face, dans ma gueule, et que je regarde son putain de bled à la con, où ils ont juste même pas l'eau courante, je veux dire, j'exagère, mais ah, c'est pratiquement ça, quoi. Mais dégage, quoi, je veux dire. Franchement, quoi. Et c'est juste surréaliste de voir une nénette, une Algérienne, après les attentats de Nice, te faire une vidéo, et ça fait un million de vues. Pourquoi ? Parce que ces putains de blancs n'ont toujours pas compris le scénario. Enfin, il y en a qui comprennent, mais il y en a encore un gros paquet qui a envie de se raconter des histoires. Hein, on se balade, voilà, on est chez les bisounours quand même. Ouais, je sais pas. Il y a des gens qui pensent que. Il y a des gens qui pensent que la France va. Tu dis. Enfin, je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, que c'est les gens normaux qui vont en avoir marre. Mais vraiment, j'ai de gros doutes. Hein. C'est-à-dire, moi, je le répète à qui veut l'entendre, ça me réjouit pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une. Comment dire, une tendance à vouloir toujours sauver le nègre et sauver le bougnoul en France, qui fait que il faudra vraiment les 80 quelque chose, je crois qu'on en a une centaine de victimes au total sur l'attentat de Nice. Voilà, disons qu'il faudrait des Nice tous les deux jours, tous les trois jours, et là on aura peut-être une chance de bouger en France, quoi. Mais on n'est pas encore là. Gérard Rouge a raison, Laurent, excuse-moi, de tout à l'heure, il a quand même précisé, il y a plusieurs France. Faut bien étudier, qu'à mon avis, face à des événements pareils, il peut même y avoir des scissions de ces différentes France, parce que les événements sont tellement graves que. Et il y a une France, si tu veux, il faut voir à chaque fois les. Tu sais, le mimétisme fait qu'il faut voir, il faut juste regarder les mâles alpha. Et dans le sud, si tu veux, il y a énormément de gens qui sont assez dominants socialement, tu vois, avec des bonnes situations, des bonnes positions, des grandes villas, tout ça, c'est-à-dire des bourgeois qui sont anti-Bougnoul. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est eux qui font à un moment donné bouger le schmilblick, quoi. Parce que il faut bien donner c'est pas les mecs au PMU et tout ça, eux, ils sont juste bons à gratter des bancos, tu vois. Il faut que ça prenne par le haut, quoi. Et Paris, à l'inverse, toutes les grandes villes, la bourgeoisie lyonnaise, la bourgeoisie parisienne, tout ça, ça, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde et ça va couler jusqu'au fond, ils sont accrochés au bout du lys, mais ils iront jusqu'au bout, quoi. Mais la France du Sud, la France y compris du Sud-Ouest aussi, avec ça ne pourra pas se passer pareil. Sur le plan local, il y aura forcément des gens qui parce que c'est encore une France un peu burnée, tu sais, c'est pas une France complètement émasculée, hein. Ce sont des gens, ils se baignent, ils font du bateau, ils chassent le requin, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils ont encore un peu de burne. Ok, bon, je vais juste, alors là, ça n'appelle aucun commentaire. Vous ne commentez pas. Je cite simplement un essayiste très connu qui intervient sur Internet, dans des vidéos, etc. Qui, voilà, hein, il a dit, en fait, suite aux attentats de Nice, le capitalisme rend fou. Voilà. On peut faire une minute de silence, peut-être. Non mais voilà, attends. Bon, je n'ai pas tellement envie de développer parce qu'il y aurait tellement pas à dire, mais enfin bon, bref, voilà, le capitalisme en cause dans les attentats de Nice. Alors, une conclusion un peu lol, un peu fun, quoi. On va pas, c'est ça, c'est pas pour être très long, hein, mais c'est la réaction du pop de l'extrême droite russe. Suite à ce qui s'est passé en Turquie, on en a parlé aussi, je crois, la semaine dernière, si on n'en a pas parlé, en tout cas, il y a eu un coup d'État là-bas, etc. Et c'est quelqu'un, alors là, qui fascine certains illuminés en France, et il s'appelle Douguin, hein, Douguin, Monsieur Douguin. Et suite à cet attentat-là, enfin, au coup d'État et aux violences qui s'en sont suivies, aux explosions, aux attaques, etc., sur le Parlement turc, ce monsieur nous a dit, voilà, qu'en fait, c'est avec la reprise en main par Erdogan, c'était quand même une victoire du kémalisme, hein, une victoire de. Une victoire et une résurgence, hein, une résurgence du kémalisme. Une résurgence de la laïcité turque sous la main d'un frère musulman islamiste qui, par ailleurs, est un soutien, d'après la presse russe, parce que. En fait, il y a encore 24 heures, enfin 48 heures, c'était un soutien de l'État islamique. Alors moi, je ne sais plus à quel sein vous vouez. Ouais, non, en fait, c'est pas 24 heures. En fait, je crois que ça date d'il y a fin juin, je crois. Hein. En gros, Erdogan a dit, ouais, bon, pardon, le pilote qu'on a tué, on n'a pas fait exprès, désolé. Et du coup, voilà, depuis ce moment-là, Erdogan est passé d'horrible islamiste à la solde de l'impérialisme américain. À la réincarnation de Mustafa Kemal Atatürk. Donc voilà, bah, moi je dis bravo, Bravo Alexandre Douguin pour sa constance, hein, son, et ses explications en clair, hein, ses positions courageuses. Voilà, je, vraiment, merci. Et bravo à la, bravo, comment dirais-je, au, à la Pravda pour son sens du discernement, tu vois, et aussi, je crois, pour son raffinement. Visiblement, nos camarades n'ont toujours pas compris qu'on était passé au 21e siècle. Hein, et... bon, ben, je ne sais pas. Enfin, oui, grâce aux médias russes, du jour au lendemain, nous sommes passés de l'infini enculé au plus grand des résistants à l'Empire. Là, je cite Alain Soral. L'Empire, hein, Alain Soral. Donc, Erdogan, résistant à l'Empire... Allié de qualité face à la barbarie occidentale, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, surtout quand il menace, voilà, si on n'obéit pas à ces desiderata, d'envoyer des vagues de migrants pour saboter l'Europe, on sent vraiment la résistance à l'Empire, hein, comme on dit. Alors moi, je veux revenir juste deux secondes par rapport à Douguin, sur sa gueule de professeur, hein, c'est quelqu'un... voilà, il y a un auteur qui s'appelle Bob Whitaker, aux États-Unis, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Why Johnny Can't Think », pourquoi Johnny ne peut plus penser, et qui décrit les professeurs, parce que Douguin vraiment rappelle cette caste-là, quoi, hein, en ces termes, c'est-à-dire le professeur, c'est quelqu'un qui passe toute sa vie à l'école. Et il y a vraiment un problème avec ça, on le voit avec Douguin, on le voit en France, avec les gens qui représentent, hein, cette caste de fonctionnaires dans laquelle la pourriture intellectuelle a une facilité particulière à se développer. Le chancre. Oui, on sent, on le voit physiquement, c'est-à-dire il y a une biologie du professeur, il y a quelque chose qui, voilà, ça mériterait d'être étudié vraiment. Et effectivement, avec Douguin, on a un exemple assez fascinant. Alors un mélange, voilà, de profs d'université à la con, avec le côté un peu Rasputin, voilà, le côté un peu mystique. Il y a quand il l'a perdu, sa barbe est moins longue, il a moins le côté un peu Rasputin qu'il avait il y a 5-6 ans, je trouve. Oui, mais il compense en fait, avec sa fascination pour la spiritualité orientale, etc. Enfin, il arrive quand même à bien se défendre. Et effectivement, moi, je pense que si on doit des gens un jour, il faudra commencser par les profs. Hein. Je pense que c'est quand même alors là, c'est nécessaire. Hein. Il faudra y passer. Je vais citer Douguin parce que il faut parce que ceux qui peuvent nous écouter n'ont peut-être jamais entendu parler de ce mec, mais c'est incroyable. Alors que ce type n'existe pas en Russie au plan mainstream, quoi. C'est quelqu'un qui n'a aucune influence. Ouais, c'est un mec, je crois, qui s'est fait virer même de l'université de Moscou, il me semble. Je suis pas familier du sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas dans le débat public en Russie. Et c'est quelqu'un qui arrive chez nous grâce au même canot qui nous pose problème depuis un certain moment, je ne citerai pas de nom, et je vais citer quand même le personnage. Et là, je cite dans le texte, hein. La civilisation occidentale est une civilisation raciste et ethnocentrique. Tout occidental est un raciste, non pas comme Hitler, biologiquement, mais culturellement. Mais mon opinion est la suivante, les civilisations de l'Ouest et de l'Est sont complètement différentes. Celles d'Orient sont supérieures, suivez mon regard, hein, l'Irak, etc., sont supérieures dans la mesure où elles se défendent contre le racisme occidental. L'ethnocentrisme des Européens de l'Ouest est une constante. Tous les penseurs européens sont racistes. Donc en fait, il se victimise. Simplement. Comme un bougnoule au coin de ta rue, il se victimise, tu vois, pour essayer de te faire les poches. Bah en fait, lui, vu qu'il n'y a pas les bougnoules en Russie là-bas, il s'auto-victimise. Tu vois, il est dans la même psychologie que les petites victimes Attends, Gérardus. Ce que tu dis, t'as raison, sauf que lui, il a une explication là-dessus, Gringoy. Il dit, nous les Russes, en réalité, nous sommes des métis d'Asiates. C'est ça sa thèse, c'est le racisme à l'origine. Voilà, c'est-à-dire que d'après lui, la Russie serait un peu le carrefour entre l'Orient et l'Occident. Sans voilà, être mais enfin, je finis mon raisonnement. C'est-à-dire qu'il dit, nous sommes des métis, nous les Russes, on est des métis d'Asiates. Donc, on n'est pas vraiment des blancs. Et comme on n'est pas vraiment des blancs, on a le droit de toucher le chèque de la victimisation. Donc, on peut venir à ta porte toucher ta thune. C'est une sorte de bougnoulisme mental russe, en fait. Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Exactement. Et ça, ça fait fureur, sans mauvais jeu de mots, chez certaines personnes en France. En France, ceux qui parlent énormément de Dugin, c'est essentiellement le ce qui reste de la dite nouvelle droite, ainsi que de la entre guillemets, droite réconciliée. Je vous rajoute une citation, et après on en finira avec Dugin, c'est pas pour s'éterniser, mais simplement, je trouve que ça conclut bien, et vous commenterez sur cette dernière phrase, je cite, « Je suis un supporter des Noirs. La civilisation blanche, ses valeurs culturelles et son faux et déshumanisant projet pour le monde, créé par eux, n'offre aucun bénéfice. Tout mène au démarrage de pogroms anti-blancs à l'échelle planétaire. La Russie est seulement sauvée par le fait que nous ne sommes pas de purs blancs. Les corporations multinationales prédatrices, oppressantes et détruisant tous les autres, sans parler de MTV, des gays et des lesbiennes, c'est le fruit de la civilisation blanche dont il est nécessaire de se débarrasser. Donc je suis pour les rouges, les jaunes, les verts, les noirs, mais pas pour les blancs. Je suis de tout cœur du côté du peuple du Zimbabwe. Oh non, non, non. Bah écoute, moi là, je vais pas, mais je connais bien les tarés de France. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je crois que aucun ne soutiendra ces propos, quoi. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc là, je sais pas ce que la Russie veut qu'on faire de Dugin, mais que, surtout qu'elle ne nous l'envoie pas ici. Bon, quoi. Dieu merci, il semblerait que Poutine ait éloigné ce sinistre personnage. De son cercle d'influence, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais il semblerait que Dugin a pas mal évolué aussi. Enfin, bon. Non, il évolue. Non, comme ça, t'évolues pas. Hein. Pas non, mais un russe qui se visualise comme la dernière des derniers connards du tiers-monde, c'est vraiment une merde, ce gars, c'est fou, quoi. Ah putain, il faut vraiment aller lui tirer la barbe. À la semaine prochaine, chers amis, je pense. On s'est tapé une bonne tranche d'erreur, enfin moi j'ai bien rigolé. Oh.